J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Flaubert. Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui! Oh là là! Oh, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro le de Floodcast. 14e. 14e numéro. Comme à l'accoutumée, 4 personnes autour de la table avec moi. Je commence par Mehdi Maizi. Ça me fait plaisir. Alors écoute, Mehdi, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Bien sûr. Je suis, donc comme tu l'as justement dit, Mehdi Maizi, c'est mon nom. Je suis journaliste rap. C'est comme ça que je crois qu'il faut dire. Voilà, donc j'ai travaillé pour plusieurs médias rap essentiellement, donc l'ABCDR du son à l'époque, ça fait longtemps que je bosse plus avec eux. Au KLM, j'anime une émission quotidienne pour eux. Et là, actuellement, je travaille avec Deezer, mais je sais pas quand sort le podcast parce que... Il sort lundi. Ben, je les quitte demain. Voilà. Et j'anime Rap Jeu sur la chaîne YouTube de Red Bull. Et oui, réalisé par Aslak. Aslak, embrasse. La légende, Aslak, la légende, la légende. J'ai pas peur de le dire. Qui était assis là il n'y a pas si longtemps. Y a pas c'est si vrai, longtemps. C'est vrai. Parce que je dis que j'ai écouté cet épisode. Eh oui. Et pas en entier, c'est trop long. Ouais, celui-là était particulièrement long. Là, on va pas être aussi long. Moi, j'ai rien de mieux à faire. C'était 6 jours. Donc, ouais, non, voilà. Voilà. Et on peut dire, parce que là, les gens ont tremblé un peu sur Internet, tu représentes un peu le vrai hip-hop. C'est chaud. Parce qu'en fait, Adrien représente le vrai hip-hop dans cette émission. Normalement, c'est moi, mais. Normalement, c'est Adrien. Alors, vraiment pas. Non, ok. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vraiment pas avoir cette image-là. Ok, d'accord. Voilà. Bon, Adrien, donc c'est tu bon. Tu es le représentant du vrai hip-hop, Adrien. C'est bon, ça reste Adrien. Comme... Ça se voit d'ailleurs. Enfin, avec cette petite moustache voilà. De gangster, voilà. Bien sûr. Nous sommes également avec Sylvain. Oh là là, merci beaucoup. Oh là là. Sylvquin. Sylvquin. Sylvquin. Alors, est-ce que j'ai enfin compris pourquoi Sylvquin? Est-ce que tu peux le dire? Vas-y. Non, mais je t'en prie, vu que t'as compris. Non, mais alors si j'ai cru comprendre, parce que tu l'as écrit comme si c'était en QWERTY, ouais. Et non pas en AZERTY. Bah oui. Eh ben, oui. Je savais ah pas. Ah ouais, t'avais pas. Bah, insulte-moi de début. Pas du tout. c'est fait. Comment se passe-t-il? Sylvain, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh ben, écoutez, maintenant je crois qu'on me qualifie de YouTuber. Voilà, ça parce que je fais plus de vidéos que d'autres choses maintenant. Donc, YouTuber sur des vidéos d'enquête. YouTuber de qualité. Merci, c'est très gentil. Et ouais, j'étais chez Golden Moustache avec vous avant. Oh, il y a quelques années. Avec beaucoup de gens autour de cette table. Et voilà, c'est essentiellement ça. Je fais des enquêtes sur le monde d'Internet. Bah, attends. Tranquillement. Tu fais un nouveau truc là, j'ai vu. Un peu de tweet. Avec Netflix là. Ah non. Ah, avec Netflix, ouais, c'est sorti du coup aujourd'hui quand on tourne. C'est un one shot, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont une émission qui s'appelle Dans le genre sur leur chaîne YouTube. Et j'ai animé la première qui est sur le genre criminel. Et c'était très cool. Et c'était avec Fabien Olicard et Liv. Et on parle voilà du genre de criminel. Des Fabien affaires. Olicard et Liv, une youtubeuse qui fait des story time sur des affaires criminelles. Mais du coup, vraiment, c'est fait entrer l'accusé sur YouTube, mais version YouTube. Ah, cool. Sans Christophe Ondelat qui fait les accents. C'est dommage, oui. Ouais, moi, c'est ce que je préfère dans Ondelat. Oui, ouais, dans Ondelat raconte. Oh, dis donc, tu me prends pour qui? Serre-moi une bière, mon vieux. Ah, je suis le barman. Et je n'ai pas mangé depuis longtemps. Vous êtes Fernandel, Christophe. C'est Christophe Ondelat. Mais les histoires sont bien en plus, mais il fait toutes les voix. Mais oui, il y a un truc où. Il fait pas les meufs quand même. Il fait pas genre. Ah bon? Bonsoir. Je crois que. T'es sûr qu'il fait pas les meufs? Ou alors j'ai pas écouté les bons. Je me demande s'il fait pas genre les prostituées et tout, genre. Ah ouais, je l'ai vu la dernière fois, mon mignon. Je crois qu'il fait un peu. Mais il force pas trop la voix. Que les meufs des années 50. Et oui, donc Sylvain, toi, tu es. Enfin, la vidéo connue, la plus connue que tu as fait récemment, c'était sur ton enquête sur la mafâchée. Exactement, ouais. Qui n'est pas un vrai lama en colère. Non, je le dis parce que. Bah, tu spoil la vidéo. Ça spoil, mais ça a déçu beaucoup de monde, moi, le premier. Et non, c'est ouais, un lama, mais plutôt relax, quoi. Vraiment, oui, il était. Il t'a reçu chez toi. À la chill. Lama chill, exactement. Ouais, non, c'est une enquête suite à la vidéo qui avait été faite par Who What the Fake pour aller un peu plus loin. Et du coup, ça dure 30 minutes, donc c'est assez long. Posez-vous si vous l'avez pas vu. Oh, c'est pas si long. Ça va. rapport à un flot de casse, c'est un dixième. Oui, c'est, voilà, c'est 10% d'un flot de casse. Donc, voilà. Et ouais, non, ça a bien fait grimper la chaîne, bien sûr. Et c'est cool. Du coup, maintenant, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que les gens m'attendent au tournant et j'ose plus rien faire. C'est normal. Ah, c'est, le revers de la médaille. Non. Ça s'appelle Antoine Daniel. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, mon What the Cut 38 arrive bientôt. Donc. Ah, lourd. Ouais. Nous sommes également avec Aurélien Prévost. Oh là là. Salut. Déjà, Aurélien qui nous a fait le salut de Friends. C'était vraiment le salut. Non, bah non, de AB Productions. Je connais pas la VF. Ouais, le salut de Élevé excuse-moi. Les garçons. Bah, j'adorerais la connaître. Mais Aurélien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis Aurélien Prévost. Je suis YouTuber. YouTuber. Moi aussi, normalement, je dis pas forcément ça, mais c'est comme ça qu'on me qualifie. Oui, c'est bizarre. C'est ce que je fais le plus en ce moment. Donc, bah, là, j'ai YouTuber. Bah, vidéaste. Vidéaste. Ouais, mais autant y aller, quoi, tu vois. Je fais ça. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Comme Moi. Aurélien Prévost. Ah oui, comme moi. J'ai changé le nom. Je t'imaginais vraiment avec le point sur le menton, sur la lunette, comme moi. C'est écrit K-O-M-W-A, comme moi. Non, juste mon vrai nom, c'est nul, du coup, c'est moins bien que ça. Non, c'est bien, moi j'aime bien. Ah, c'est vrai? Bah, c'est ouais. Et du coup, tu dis donc, c'est clair, quoi. Tu dis pas que je suis un youtubeur de qualité, Adrien, parce que je l'ai dit. Ah. Tu réécouteras si tu veux. Bah, c'est un peu long, je sais pas si j'aurai le temps d'écouter. Mais... c'est vraiment le début, là, si tu peux pas écouter jusque-là. Et nous sommes également avec Adrien Méniel. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis donc Adrien, je suis l'inventeur du racisme anti-blanc. Ah, ça vient de c'est toi. C'est moi qui ai inventé le. Ça fait combien de temps que t'es dessus là? Ça a été popularisé par Pierre Ménès, mais c'est moi qui l'ai. Je suis l'inventeur. Voilà. Donc ça existe alors. Mais tu l'as déposé à l'INPI? Alors non, c'est là où je me suis fait carotte. Mais ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai juste fait un tweet, mais il y a longtemps, hein, avant que ça fasse le buzz et tout. J'avais fait un tweet et puis voilà, on m'a repris le concept et tout quoi. Voilà, bon bah. Nouvelle enquête de Sylvain. Ouais, hein. Écoute, je suis dessus là, ça y est. je demande justice, quoi. Les amis, pour commencer. Puis Flaubert, hein, parce que. Bon, et moi, si on Florent présente Bernard, moi, pardon, bah oui, bien oh sûr, là là. Voilà, j'applaudis. Ah, si on présente, on te présente aussi. C'est y a vrai, pas de, bah écoute. Y a pas de. Eh oui, mais du coup, moi j'ai pas de vanne. t'as que ça, des vannes. Non, mais je suis scénariste. Y'a ma meuf? Ouais. Clara! Ça va, Clara? Ah, bah oui, ça va. Bah, ferme la porte. Bah, oh, ça va. Engueulez-vous devant nous, devant tout le monde. J'aime bien ce qui se passe. J'aime bien. C'est très ambiance à la cour. C'est vraiment, c'est comme à la maison. Et ça faisait un peu on de la raconte. Oh bah ferme la porte. Et bah mon petit, je ramène des clients, je fais ce que je peux. comme à l'accoutumée, on ouvre avec des questions sur l'actualité, des articles qui sont sortis il y a pas très longtemps. Par exemple, je veux vous demander pourquoi, à votre avis, il y a une enquête qui a été lancée, une vraie enquête. Ah, hein. Cécile. C'est pour toi qui réponds. T'as pas le droit de répondre. T'es Derrick. Mes hommes aux yeux, t'es Derrick. Pourquoi le 23 septembre est le jour où il y a le plus de naissances? Alors. À votre avis. Qu'est-ce qui se passe? Donc attends. Je pense que je l'ai. Oh, bah, mais du coup, je vais pas. Non, mais je vais vous laisser. T'as déjà enquêté. Alors attends. Il est beaucoup trop fort. Ah bah, parce que c'est le 23 décembre. Enfin, c'est Noël. Enfin, les gens baisent pour Noël, non? Je dirais 31 décembre. C'est ça, c'est plus le 31 décembre. En fait, il y a environ 65 000 naissances par mois. Et on observe des variations. Et par exemple, le pic, c'est le 23 septembre, effectivement. Et c'est lié, effectivement, au fait que les gens baisent énormément au Nouvel An. Et donc du coup, incroyable. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte. Ouais, parce qu'en fait, en gros, là, c'est genre une résolution de nouvelle année. Genre, faut qu'on baise. Ouais, mais surtout faire une baise, oui, pour concevoir. Ouais, exactement. C'est ça. Une baise utile. Et ouais. T'avais vraiment enquêté, Sylvain, du coup? Non, c'est les fameuses vidéos que tu sors pas parce que tu dis c'est pas à la hauteur de la mort de la main fâchée. Elle dure 12 secondes. En fait, c'est il baise. Voilà. Non, mais le vrai problème, c'est que je suis né le 28 septembre et que du coup, je le sais parce que ça a remis ma conception de finalement de ma conception. Et du coup, j'ai fait ah. Mais c'est une baisse voilà, 1er janvier, toi. C'est une baisse de gueule de bois, quoi. Ouais, peut-être 2 ou 3 janvier, genre bonne résolution, après, tu vois. Ouais. Bah, il est né le 28, donc c'est donc, un jour après le premier que t'as été fait. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est des baises. Si le 23 septembre, c'est. Ah, c'est 23, je crois que c'est le 23. Ah, oui, c'est vraiment, mais même Noël, presque. C'est entre Noël et le Nouvel An, quoi. C'est après la dinde, avant le fin de la période des fêtes, simplement. Ouais, c'est bien. D'accord. Moi, je mélange les chiffres, je fais plus de blagues, j'ai peur de. Ici, on est intransigeant là-dessus. Tiens, je sais. Un homme a été innocenté de vol pour une raison un peu incongrue, tu n'en parlerais pas. À votre avis, laquelle? Vol de pseudo. Non, il a été innocenté de vol, mais pas genre un énorme cambriolage, c'était un vol dans un supermarché, genre. D'accord. Dans quel pays on est? Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Je dirais que c'est parce qu'il l'a pas volé. C'est en Angleterre, pardon, excuse-moi. En Angleterre. Alors, c'est une bonne réponse. Alors, c'est une bonne réponse, mais attendez, merci. Pourquoi, comment il a trouvé qu'il n'avait pas volé Alors, lui, les enquêtes, il est très bon. Une histoire de caméra de surveillance ? Pas une histoire de caméra de surveillance. Est-ce que c'est un rapport avec les réseaux sociaux ? Waouh. T'es quand même bon sur les questions. Enfin, c'est, mon c'est pas mon premier rodéo. Ouais, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ah, donc tu vois, je suis vivant. Attends, il a été arrêté et en fait, non, c'est ça le truc ? Il a oui, été bah, innocenté en fait. Et innocenté. Innocenté. Mais quand il a été arrêté, on pensait qu'il avait vraiment volé un truc. Bon, complètement. T'es un débile en fait, c'est quoi l'histoire ? Oh, ah, mais je comprends pas. Comment on a pu croire ? Le verbe innocenté, putain de merde. Attends, il avait un juste, truc. Non, il marchait dans la rue, lui on dit. C'est pas vous. Et il a continué à marcher quoi. Vous êtes innocent. Bah, il a dit. Il était sur le trottoir d'en face. Vous êtes innocent. Il était sur le trottoir d'en face, ils se sont fait. Vous êtes innocent. Cool. Il a dit bah, cool. J'étais censé avoir fait quoi? Voler un truc. Ah d'accord. Mais en fait c'est bon, c'est pas vous. Ok. Vous seriez pas un peu débile? Enfin, en fait c'est moi. Putain le twist. Le mec. Pourquoi il aurait été innocenté? Je ne sais pas du tout. Alors pas d'un. Est-ce qu'il a un frère jumeau? Pas du tout. Ah putain, elle était bien nul. Celle-là, je mets bien. T'es mis, ouais. J'en ai pas d'autres. Attends, mais. Et, en gros, est-ce en fait, c'est lui qui a prouvé. Il a pu prouver. C'est ça, lui-même. Il a prouvé un alibi. Il avait un alibi, ouais, c'est ça. Alors, oui, un alibi, mais. Point com. Alibi.com, non, ça c'est un film de Philippe Lachaud. D'accord, pardon. Ouais, tu confonds toujours les réponses et les films de Philippe Lachaud. Non, non. Il faisait un babysitting à ce moment-là. Il est rapide. Je l'avais, mais. Il est faisait son pote. Il est plus fort que moi. Alors, ça c'est un film de Tarek Boulaï. Voilà, pas avec Philippe Lachaud. Philippe Lachaud. C'est dans le Philippe Lachauverse. Mais c'est pas. Il a prouvé de façon. Mais genre direct. Moi j'ai toujours pas bien compris le postulat, mais je vais pas redemander. J'ai peur de. Je vais te dire les débuts de l'histoire. Steve, 47 ans. A été accusé de vol à l'étalage par le personnel d'un magasin. Ah. Et il a dit, mais non, c'est pas alors, ça. Et du coup. Est-ce que c'est un truc du genre, ils l'ont accusé d'avoir volé des capotes, et le mec, il a baissé son froc, il a dit, j'ai pas de pénis. Un truc dans le genre, quoi. C'est un truc dans le genre. Ok, il avait la preuve sur lui-même que c'était pas. Et exactement. Ah ouais. Des gants, il avait pas de main. Non. Je vais faire toutes les. Un cache-nez. Et. Il avait pas de nez. Un protège-genou. Et il avait pas quoi du coup? De genoux. Ah ouais. Un peigne. Et il était chauve. Non. Attends. Oh, est-ce que si on terrible, est-ce que si on trouve l'objet qu'il a il était accusé d'avoir volé, non. Ça va nous aider. Non. En revanche, t'étais pas loin de se dessaper et prouver que. Un rasoir. Est-ce que c'était une personne transgenre? Non. Steve n'est pas transgenre. Enfin. Voilà, je ne serais pas allé sur ce terrain-là, tu sais bien. T'es débile ou quoi, Adrien? Ça t'a touché, ça. Il s'est dessapé, donc. Putain, il s'est dessapé. C'est dur. Ah, oui, il s'est dessapé et ça, t'étais pas loin avec la bite. Son cul. Non, t'es vraiment pas loin avec la bite. Les couilles. Non, la bite, mais t'étais pas sur la bonne utilisation de la bite. C'est fou quand même. Attendez, venez, sinon on donne pas. Ce qu'on t'a souvent dit. En fait, est-ce que on c'est donne juste... pas la réponse et Sylvain fait une enquête peut-être. Que là, on a un gros truc là, on a vraiment. Est-ce que c'est juste. Je crois pas si bien dire, Aurélien. Est-ce que c'est juste qu'il avait, il avait été accusé de voler un truc, il a baissé son froc, il avait une énorme queue et ils ont fait waouh, ok, c'est bon. Alors c'est la bonne réponse. Mais. Non, non, mais attendez. Genre les flics ont fait respect, vous pouvez partir. Vol, vas-y, vol. Vol, mec, tu mérites. Merci. T'as une bite qui t'autorise le vol. Ce qui est la fin de Casa del Papel saison 2 d'ailleurs. C'est, ils montent sa bite et ils font bah, ok, c'est bon. Non, en fait, pourquoi je dis que c'est la bonne réponse? Parce qu'en fait, il croyait qu'il avait volé un truc parce qu'il y avait un énorme truc dans son pantalon. Il a dit vraiment, c'est ma teub. Il fait oui. Bien sûr. À d'autres. Il fait bon, écoutez. Et il a montré sa teub. Il a fait ok. Incroyable. C'était sa teub. Son pénis ne mesurant pas moins de 25 cm. Au repos même. Écoute, j'en sais rien moi. Oui, bandel, mais... Il bandait comme un sale. Écoutez, je bande. Non, l'homme ouais, de 47 ans n'a pas eu le choix d'abaisser son pantalon et de montrer son sexe à un agent de sécurité. Je n'arrêtais pas de leur dire que c'était mon pénis, explique-t-il au Sun. Incrédule, le garde n'a pu que réfuter les accusations de la gérante. Incroyable. Steve a porté plainte, évidemment. Bien sûr. Auprès de JD Sport, la société mère du magasin. Ah, mais je connais. Oui. Bon, t'achètes des petites baskets là-bas, toi. Je me suis acheté un petit North Face, un petit truc. Vous avez des grosses bites, vous? Non, pas du tout. Non, je vais dire, j'ai jamais eu ce problème. Qui est bite autour de la table? Vous avez déjà volé des trucs, vous, même gamin? Vite fait. Hein. Ouais, t'as volé quoi? J'ai volé une VHS de Radma 1/2. Oh. Ouais. Mais c'est vraiment une obsession, je sais pas. En nous, bah, c'est un hasard. Non, mais... Écoutez, j'étais à Auchan, j'ai ouvert la boîte, je l'ai prise, la cassette. Et après, j'avais très peur parce que je suis pas du tout un voleur. Je l'ai mise sous t'es un voleur. C'est acté. Tout le long de là, t'es un voleur. Sous une voiture. Et je suis re-rentré dans le truc parce qu'il y avait mon père dedans. Fallait pas que. J'espère qu'il écoute pas, mon père d'ailleurs. Non, je crois pas. Sinon, il va me tuer. J'ai volé ça. Putain, ça va. Non, une cassette. Va. Une cassette et tu l'as jamais rendue, on est d'accord. Si, après je l'ai regardé, j'ai ramené. Ah bon, ça va. Remis dans la boîte, dans le magasin. Sympa. J'ai volé le cœur de peu de femmes. Sinon, non, je me souviens d'avoir volé des stylos, ce qui est vraiment encore plus nul que ta VHS. Vous êtes un énorme brigand. Énorme. Excusez-moi. Et sinon, des bonbons aussi. Mais je me souviens que c'était, je me sentais trop chaud parce que j'étais dans une boulangerie et je disais, alors je vais prendre pour 1€ de ça, je montrais du doigt. Et après, genre, quand j'enlevais ma main, en fait, je faisais et je prenais genre 3 bonbons, tu vois. Et je me disais, c'est marrant. Arsène Lupin, à mes quand on parle de vol, on parle tout le temps au passé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne vole plus du tout aujourd'hui? Moi, j'ai pensé qu'en devenant adulte, on ne vole vraiment plus. Ou... Bah, on vole l'État, quoi. Tu voles les gens. Parce que l'État nous vole, moi, je trouve. Moi, je paye. Pardon, Macron. Ouais, mais si on veut voler un truc, c'est ça. Bah, ça dépend. Est-ce qu'on parle de téléchargement illégal? Est-ce qu'on considère que c'est du vol? À mes yeux, c'est du vol. Vous avez volé des divis? Je vole. Donc, ouais. je vole vrai, de moins en moins, cela dit. Ouais, parce moi que... aussi, je le fais plus. Adblock. Est-ce que Adblock, c'est du vol? Ah, non. Ah. Est-ce qu'empêcher quelqu'un de. Donc, t'es un voleur, ça veut dire. J'ai Adblock. Moi, je le vais laisser son enquête déterminer si je suis un voleur ou pas. Mais j'utilise Adblock, absolument. Ouais. Moi, j'ai même je suis pas fier. J'ai Adblock, j'ai même un autre truc encore. C'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Pour bloquer encore plus de pubs. Ouais, parce que, genre, il y en a quand même trop. Non, mais des fois, je le désactive. Mais tu vois, tu choisis quand même, quoi. Mais moi, j'ai volé récemment, en vrai. Hein. Enfin, récemment. Parce qu'en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai volé récemment? Je pense, mais je me souviens plus. Moi, j'étais à un magasin Emma, pour ne pas les citer, qui sont des gens... Je les appelle de suite. Qui sont... Hein? Je les appelle de suite. Non, mais qui sont des gens qui en gros... c'est des voleurs, c'est ça que non, tu non, te... non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est des mecs qui vendent c'est des... Robin des Bois. Ils vendent un peu de tout, en fait. Je sais pas oui, si vous voyez, mais c'est très bien, moi j'aime bien Emma. Des petites boîtes très sympas. Je crois que c'est assez parisien. Je sais pas s'il y en a partout. Si, si, il y en a... Extrêmement parisien, tu sais. Mais moi, je suis très parisien, donc de base, tout existe que à Paris, à mes yeux. Et en plus, c'est danois, je crois, à la base. Et il n'y a pas si longtemps, parce qu'en fait, c'était des Kinder Surprise un peu ouverts. Et en fait, je croyais au début, mais pas longtemps. C'est un mec qui avait laissé ça et je fais, oh bah c'est bon, ils l'ont laissé. Le truc, c'est que ma meuf trade disait, non, clairement, faut les payer. Je fais, trop tard, moi je me suis dit que c'était à quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, je les ai volés. Et donc, c'est la dernière fois que j'ai vu, c'était des Kinder Surprise. Donc, mine de rien, on reste. Ça qui m'a fait marrer, je me suis dit, putain, on reste sur des vols d'enfants. Bah, j'en profite, vous avez sûrement volé des gros trucs. Moi, il m'est arrivé un peu la même chose quand j'étais petit, j'ai volé sans le faire exprès. Et c'est vrai, parce que peut-être que je me mens à moi-même. Hein. Ah, donc, mais j'ai volé une figurine à Carrefour. Et enfin, je l'ai prise tu vois, dans ma main, mais j'étais vraiment tout petit. Et je marche avec dans la galerie marchande après, Carrefour Villiers, dans le 77. Et ma mère percute que j'ai ça. Elle me dit, mais c'est quoi ça et tout, machin. Je fais, bah, c'est le jouet. Je sais pas si je mentais, je sais même moi plus, tu vois, si c'est fait exprès ou pas. Mmh. Elle l'a pris, elle l'a posé sur un petit rebord. Et on est parti. Oh. Oh. Alors que le larcin était fait. Une fois que c'est volé, moi ma famille c'était horrible. C'était horrible. Je pense qu'elle me croyait pas. Elle se disait il a vraiment volé. Il faut que je lui donne une leçon, tu vois. Il faut que je lui apprenne un truc, quoi. Et ça, oh là là. Bah je la déteste, ouais ça. Elle a perdu mon amour. La leçon. Moi comme moi ma famille c'est vraiment l'inverse. C'est que je me souviens on était allé faire des courses. C'était à Continent à l'époque. Tu disais vol. C'était le supermarché. Non non mais en gros j'adorais les G.I. Joe et donc j'avais demandé à mes parents de m'acheter un G.I. Joe. Du virilisme à mes yeux mais. C'est vrai. J'avais des femmes. Toxique. J'avais des femmes. Plus de femmes même. J'achetais que des femmes. Et je les empowerais à travers mes aventures. Tu as été woke très tôt. Autant pour moi, tu es woke. Bon, c'est rien, vous pouviez pas savoir que c'était. Non, et, non, non, et en gros, la caissière, elle, en gros, le code barre marche pas ou un truc comme ça. Et elle dit ça coûte combien ça? Ça coûte 10 francs, non? Et ça coûtait beaucoup plus que 10 francs. Alors oui, c'est oui, des francs, voilà. Ouais. Des francs. Et ça coûtait beaucoup plus que 10 francs. Et moi, je genre me souviens 35 que... francs, quoi. Ouais, enfin, ouais, sans doute. Enfin, je sais plus exactement. Un G.I. Joe. Ouais. Oh, ça devait coûter bien plus cher. Je pense, ouais, je pense que ça coûtait bien 70 francs. C'est un bien 100 balles. Hein. Moi, je dirais 70-80 000. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je me souviens qu'elle avait dit « Oh, ça coûte 10 francs, ça !» Et moi, j'étais genre... Et je voyais toute ma famille qui me regardait genre « Ne dis pas, ferme ta gueule, quoi !» Et donc, j'étais... Et donc, elle a mis 10 francs. On est parti et après toute ma famille m'a dit c'est bien t'as rien dit quand elle a dit 10 francs genre ils m'ont félicité c'est belle d'avoir d'avoir carotte la caissière qui a dû en plus du coup être renvoyée et qui maintenant non mais parce qu'ils doivent rendre des comptes ils doivent rendre des comptes sur les caisses et tout quoi Bah alors, donc ça c'est intéressant est-ce que c'est du vol si l'erreur est du fait de la caissière ou du vendeur que tu te rends compte et que tu dis rien, et que tu dis rien. Parce que ça m'est arrivé. Ça, tu règles ça avec ta conscience. Est-ce que j'ai volé ou est-ce que j'ai juste profité d'une défaillance du système? Bah ça dépend, si c'est sur le rendage de monnaie, genre un mec qui te rend 20 balles en plus, non, et que toi tu le vois, tu fais, hey, bah fait, là le mec il va se faire prendre dans en la gueule. En gros, est-ce que le vol c'est l'intention ou c'est le résultat quoi. Sauf s'il est propriétaire, s'il est employé, à la manière de ça, la faut fouine. Pas les garder, faut pas les garder. Parce c'était que... au Luxembourg, donc tout le monde est riche déjà, donc a priori j'ai pas bon, fait de mal, bon. Tu vois. c'était dans une grande chaîne, c'était une époque compliquée où j'avais un travail que, voilà, bref, je mettais des costumes, et donc on était chez Massimo Dutti. Bah oui, bien sûr. Et ma mère m'avait dit, vas-y, je vais t'acheter un costume. Et je crois qu'il y en avait pour, je veux plus dire de bêtises, mais il y avait un costume et genre une écharpe, bref, c'était horrible. Et je crois qu'il y en avait pour 380€. Et la. Ça fait combien en francs? Parce que j'ai du mal à me. 10 francs. Et donc, moi, j'ai pas fait gaffe parce que c'était pas moi qui payais à cette époque-là. Et bref, j'étais avec mon beau-père qui me dit, va vite, vite, on sort vite. Et en fait, la caissière s'était trompée. Elle a mis 38. Elle a mis 3,80. Oh, pour 3,80€. Et jusqu'à présent, c'est un truc dont je me vante énormément. Est-ce qu'on a volé ce jour-là? Ou est-ce qu'on a juste profité? Sachant que c'était pas un petit vendeur, tu vois. Je sais pas si on l'aurait fait dans. Si on l'aurait sûrement fait, mais genre. Ça aurait pas été la même chose si ça avait J'aime été. J'aime cette genre... honnêteté. Non, mais on va pas se mentir, mais si ça avait été genre une petite boutique, tu vois, d'artisan. Carte bleue, du coup, c'est ça, pour ça que ça s'est passé, ouais. Exactement, ouais. Alors, exactement. Moi, je pense elle qu'il y a un indice. Elle a dû se faire défoncer. Je pense, ouais. Je pense qu'en revanche, elle a dû se faire défoncer. Bah ouais. Je crois qu'on pense la même chose. Moi, je pense qu'il y a un indice, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans le fait que ton père t'a dit, vas-y, cours, retourne pas. Alors, mon beau-père, si on dit qu'il a aucune importance. Mais il était coach sportif, donc c'était juste une envie de courir. Quand tu sors vite du magasin, non, ça ressemble à c'est parce que tu dis peut-être que la personne va se rendre compte de ouais, voilà, et mais... là si elle se rend compte tu voilà, je sais pas, je pose la question. Mais c'est moi je me sens pas voleur. Mais c'est pas juste il y a eu un trou en tout cas. T'es le mec qui a compté la caisse ou elle et tout, elle a compris parce que des fois c'est quand tu comprends pas, si tu voles quelqu'un et qu'il comprend pas, le mec il te rend 50€ en trop, tu les gardes, mais là elle a vu le ticket à 3,80 ou son boss, elle a vu le ticket à 3,80 en disant il manque 200, je suis mauvais en maths. 380 moins 2,80, ce ticket qui correspond à rien. Ouais, oh, ouais. Au moins, ils ont compris. Oui, ils ont compris. La mais personne voilà, en tout cas, est devenue SDF, mais en sachant pourquoi. Mais au Luxembourg, donc du coup, elle est quand même propriétaire. Voilà, c'est ça. Il y avait une grande rumeur au Luxembourg, c'est genre que le chauffeur de bus touchait 3000 balles. Tu sais ce qu'ils disaient. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit là-bas, tu vois, c'est que voilà, le chauffeur de bus est très bien payé. Bref. Bah, s'il y a des gens qui nous écoutent au Luxembourg, je pense pas. Qui nous disent. Voilà, qui n'hésitent pas. Peut-être. Mais moi, c'est marrant ce que tu dis sur le côté. Oui, mais quand c'est Massimo Gargia, d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Je dirais que c'est Massimo Gargia. La ferme célébrité. Voilà, exactement. Moi, mes parents avaient ça avec Disneyland. En fait, mes parents ne m'emmenaient que à Disneyland. On partait jamais en vacances ailleurs. Il y avait un espèce de truc de. C'est un peu la mécanique. Non, mais c'est un peu la mécanique de pensée de mon robe de ça fonctionne, pourquoi essayer ailleurs. Voilà, là, ça plaît aux gens. Est-ce que c'est pour ça que t'es un geek ou pas Un pur geek. Ouais, un pur geek. Ouais, je pense que c'est un peu lié à ma fonction de pur geek. D'accord, ok. J'ai un t-shirt avec une référence. Je veux pas trop en dire, mais ouais. C'est vrai. Et donc, pour une fois. Et pour changer. Et donc, à Disneyland. Je capte pas la rêve, je crois. C'est Bad Taste. De Peter Jackson. Okay. Voilà. Je l'ai pas vu en fait. Mais c'est d'accord. Un vieux truc. C'est vraiment un truc c'est un film d'horreur, c'est ça. C'est ça, ouais, exactement. Je l'ai pas vu. Un peu cheap, mais très qu'il faut regarder quand tu veux commencer dans les films parce que tu dis, waouh, le mec qui a fait sur les anneaux, il a commencé par un truc gore. Ouais. C'est très cool quand t'es jeune et que tu veux faire du cinéma. Donc, bref, Disneyland en avait autorisation de voler. Mais c'était une fonction cool, assez marrante. Alors, non, non. Là, c'est encore le niveau au-dessus de ma famille, quoi. Ouais, ouais. Vous avez le droit de voler mettre main sur le truc. Les deux, là. Même les touristes, à la fin, tu sais, tu peux voler tout le monde, quoi. Allez-y. Non, non, pas voler. Et on avait le droit de suriner une personne aussi. Genre, si ça aidait à voler, genre, tu as le droit de le déguiser en Mickey. Ils sont évidents. Ce serait mieux. Et on pouvait brûler, mais que Donald. Il donnait un tournevis à chaque gosse. Allez, tu peux planter, tu le plantes, après tu le jettes à poubelle. Tu vises bien. On n'en parle plus. Alors, non, c'était pas exactement comme ça. En fait, ce qui se passait, c'est que dans les magasins, mon père avait une technique qui était de dire en regardez gros, là-bas. Non, c'est genre s'il y a un jouet qui te plaît, un petit jouet, pas hein, tu peux le prendre et sortir avec. Et si ça sonne, par contre, je ferai Flo, mais non, faut qu'on paye le jouet, tu peux pas partir attends, avec. Tu l'as pas raconté chez Sophie Marie Laroui. Ah voilà. Et oh il fait God. Mais non, enfin Flo. Ah, excusez-le, pardon. De, ah, non, non, on va pas l'acheter. Non, désolé. Ouais, là c'est. Voilà. Et c'est donc, du crime organisé pour moi. Ouais, c'est ça. El professeur. C'est ton daron. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passait, my God. En plus de ça, c'est que, en fait, une fois, j'ai perdu une carabine à Disneyland. Je l'ai laissée dans l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public. Donc, t'es venu avec une très bonne arme. Non, je l'avais acheté. Mon père m'autorisait à flinguer. L'histoire est pire. Il vient avec sa carabine. Tire, mon fils. Ouais, tire. Si ça sonne, s'il a oublié. Tu sors la carabine et tu dis qu'est-ce qu'il y a. Et ton père, il dit il y a tes empreintes dessus. Il y a tes empreintes dessus, putain. Hurle, j'ai toujours préféré le parc Astérix. Non, mais le truc, en fait, c'est qu'on avait un jouet carabine à Frontierland. Les habitués reconnaîtront. C'était le monde des cowboys. Donc, t'avais des jouets carabines. Voilà, bon, bref, j'avais une carabine qui ne tirait pas vraiment, qui avait un embout orange, qui est cet embout que t'essayes d'enlever quand t'es gamin, parce que tu dis, mais c'est ridicule, ça, ça gâche le jouet. Donc, bref, j'avais une carabine que j'ai perdue. Et du coup, depuis, à chaque fois qu'on y allait, mon père et même ma mère, en vérité, avaient un rituel. Non, non, c'est ils allaient aux objets trouvés et ils disaient, vous avez perdu une carabine. Mais genre, l'année d'après, deux ans après, trois ans après, incroyable. Ils étaient dans une vendetta de on retrouvera cette carabine. Parce que on l'a payée, tu l'as perdue, on mérite de la retrouver. Ils devraient nous la rembourser. On est d'accord que la première année, c'était pour ça. L'année suivante, c'était ça sera la carabine d'un autre gosse et on lui volera quoi. Enfin, ah, ouais, pas volé parce qu'il l'a perdu. Sur le vol encore. Mais oui, je sais très bien que c'est du vol. Hein, attention. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le vol. Est-ce que quand vous allez à Rodinet, vous dormiez là-bas? Ouais, bah ouais, ouais. Putain. Ouais, on allait. Mais caché dans un buisson, tu sais. Bah, il volait la chambre de quelqu'un. C'était mon grand rêve. Oh, bah non, Flo. Je vais te dire encore un autre truc d'arnaque quand on était à Disney dans les hôtels. En fait, t'avais le, tu payais. En fait, Disney, c'est pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, je sais pas si ça a changé. Je suis jamais retourné en tant que. Enfin, j'ai jamais dormi. Voilà, en dormant là-bas. Il y avait un truc où, en gros, tu payais pas la chambre. Si t'avais deux adultes et deux enfants, c'était plus cher que si t'avais deux adultes et un enfant. Ou voilà, enfin bref, c'est le nombre de résidents dans la chambre. Ah ouais, tu mettais un grand impair avec ton frère. Il montait sur tes épaules. Tu rigoles, mais on n'était pas si loin. En fait, mes parents allaient faire le check-in et nous disaient allez voir Dingo, allez jouer, allez si machin. Je suis. Comme ça, en fait, ils nous faisaient passer pour les enfants de moins de 5 ans, alors qu'on en avait plus. Et quand ils disaient, mais ils sont où les enfants? Ils font, ah bah ils sont allés jouer avec Dingo, désolé. Et jamais, en tout cas à l'époque, les employés de Disney, genre, bah montrez-les nous, on veut vérifier s'ils sont vraiment mineurs. Et donc, du coup, en fait, ils ont payé moins cher les hôtels pendant plusieurs années, jusqu'à mes 12 ans, en disant, bah il est allé voir Dingo, donc il est pas là. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai vu une photo de toi à 12 ans. Je pense que le réceptionniste aurait fait, bon, c'est ça votre gosse de 5 ans. Qui pue vraiment le vieux sperme, tu sais, vraiment l'ado, tu sens vraiment, c'est fait, non, il n'a pas. Je jure qu'il a 5 ans. C'est le truc sur Twitter, la naine sociopathe, là, c'est, c'est exactement ça, c'est exactement moi. Donc voilà. Toi, t'as volé, Sylvain? Alors, j'ai très peu volé dans ma vie. C'est-à-dire que tu vois, les mais beaucoup, mais énormément, à très grande échelle. Là, en fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est que je vole jamais de petits trucs, tu vois, dans les magasins. J'ai des potes qui toujours vont voler un déo parce qu'ils trouvent ça honteux le prix du déo. Tu vois, putain, j'ai fait ça à une époque. Tu sais, dans les sacs, on gratte, Monsieur Prévost. Et puis, c'est vrai. À part, mais dans les hôtels, c'est quand même fréquent de partir avec une serviette ou des chaussons. Mais ça, c'est normal. Ouais, c'est pas du vol. D'accord. Tu t'es essuyé, c'est à toi. C'est bien. Et du coup, non. Par contre, il y avait un peu ce truc, tu sais, de oh, t'es bourré dans la rue, on a tous volé un plot, tu vois, une connerie comme ça. C'est vrai. Et on a fait une sorte de comment dire. L'idée est partie trop loin parce que t'as décroché les portraits de Macron, c'est toi. Non, c'est toi, c'est le... non, non, non, mais on a eu un. J'ai participé à un larcin que je n'ai jamais évoqué. Wow. Alors, exclu. Non, mais. Il y a prescription, fais gaffe quand même, parce que c'est. Alors, bah, si je dis pas la ville, ça va. Non, dis pas la ville, dis pas la ville. Ok. Dans une ville. Paris. C'est grillé. non, mais ça va être grillé. Dans la capitale de la France, je dis pas où. Il s'avère que dans une certaine ville, nous étions un petit peu pompettes. Ok. Mais pas trop, tu vois, encore assez conscient. Et ils étaient en train de décrocher des décos de Noël. Et effectivement, quoi de mieux que de ramener une petite déco de Noël à la maison. Il s'avère plein que. Surtout que le marché Noël de Strasbourg, en plus, c'est quand même. bien tenté. Très bien tenté. Mais c'est pas ça. Et en fait, donc, c'est dans une rue, vraiment la plus grande rue de la ville. C'est quoi le nom de la rue pour qu'on se projette? Rue de la République. Oh, merde. Il est très fort. Et en plus, c'est vrai. Donc, une très, très grande rue, très, très large. Et en fait, les décorations faisaient vraiment d'un bout à l'autre des immeubles, quoi. Donc, il y en avait vraiment peut-être pour 12 mètres. Et en fait, c'était coupé en deux, et les mecs les avaient posés là, ils étaient en train de les mettre, enfin, de les enlever de toute la ville. Et puis, il n'y avait pas de mecs à 40 mètres devant, 40 mètres derrière. On fait, tu sais quoi, on en prend deux, comme ça fait le truc complet, et on part. Sauf qu'en fait, déjà, on était cons, parce que, effectivement, mon pote chez qui on allait rentrer habitait à pied, mais 45 minutes. Donc, avec deux trucs de 6 mètres. Vraiment, mais littéralement 6 mètres. Je vous montrerai une photo après. Je vous montrerai une photo quand même. Et donc, vraiment, on a galéré. Quoi. On est parti, on les a posés, on a fait le tour en mode on va voir si les mecs nous grillent. Quoi. On a fait le tour, on est revenu 10 minutes après. Pff, personne. Ah, vous vouliez être chopé en plus? C'est très bizarre. Mais non, mais on voulait voir que, genre, ils soient pas à la recherche du truc, tu vois. On repart, on prend. Tu penses que tout le monde fait des enquêtes comme toi, j'ai l'impression. Non, mais tu sais, genre. Ça se grille quoi, des mecs qui se baladent avec des trucs de 6 mètres, genre ouais. Vraiment. Mais là tu peux plus rien dire en plus. La prochaine fois que la personne qui t'attaque, elle fait oui, enfin ça vient de quelqu'un qui vole des décorations de Noël, donc excusez-moi. Et effectivement, donc on a ramené ça, on a traversé un pont, les mecs nous disaient oh, franchement bien joué les gars, enfin tu vois. Et on est tombé, genre, enfin on entendait les sirènes des flics, tu vois, on se disait putain, mais on devenait parano, tu vois, juste le temps de faire 45 minutes à pied. Et on a trouvé un caddie sur le chemin, mais genre merveilleux parce qu'on en pouvait plus, c'était lourd, et on a ramené ça. on a appelé nos potes, ah, venez voir au balcon et tout, on a gagné. Enfin, tu vois, genre, on a gagné. Ils ont fait, c'est chiant, on va le mettre où, quoi. Genre, ça, les vols de Maghrébou. Et voilà, du coup, c'est resté dans un garage. J'ai ça à la merde, vous l'avez même pas branché. Mais non, mais en fait, j'ai cherché ensuite comment les brancher et tout, on n'a jamais trouvé. Mais non, parce que c'est pas des prises, c'est pas des prises normales, mâles et femelles. C'est des énormes trucs. Le caddie, vous avez fait un truc avec? C'est un double vol, ton histoire. Il y a un caddie volé en scred. On l'a trouvé. Ouais. Arrête. J'ai eu, quand j'étais étudiant, et je ne sais toujours pas pourquoi, c'était il y a pas si longtemps, un caddie longtemps dans mon appart. Ah ouais. Alors que j'avais 20 mètres carrés, et je trouvais ça stylé d'avoir. Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Qui était une sorte de fauteuil, du coup. Tu sais, je l'avais retourné, et ça faisait un espèce de fauteuil. Mais puis tu devais être bien confort. Ouais, nul. Enfin, ouais, non. C'est du vol. Je vois même pas où tu t'assois. En fait, tu le penches et tu le bourres de drap. Et mais c'est nul, hein. C'était juste pour dire, genre, j'ai un caddie dans mon appart. Je suis un truc. Ah, il nous montre la photo. Ah, ouais. Ah oui, donc c'est pas un truc enroulable. C'est un truc en dur et tout. Ah oui, non, c'est un truc en dur, pardon, excusez-moi. Ah non, non, mais c'est ouais, dommage, il y a une armature. Pas l'image, mais on voit la photo là. Et il y a le Père Noël pendu au truc en plus, donc c'est vraiment. Putain, l'histoire prend plus deux là, plus deux à l'histoire. Oui, parce que là, d'un coup, tu te balades avec un. En revanche, je vois pas comment tu mets ça dans le caddie. Mais non, mais le caddie est là, regarde. C'est... Ah la vache. Non, mais on est d'accord. Skateboard, pardon, parce que c'est quand même de l'excellent HD que tu nous montres. C'est un larcin récent, du coup. Non, c'est non, pas. La photo est en HD, gars. On est sur un iPhone 10 minimum. Ouais, je préfère vous le dire. C'est la photo panoramique du dernier. C'est sur TikTok ce qu'il nous montre. 2014. Ah. Enfin, hiver 2013. Est-ce qu'il y a presque. Quand tu auras enquêté sur ton propre vol, tu le diras si il y a presque à l'époque. Exactement. Les amis, quel événement saugrenu a eu lieu récemment? Ah oh bah c'est vague. Quoi, il y a pas plus de. C'est un anti quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un événement tous les ans et là c'est l'anti événement. Ok. Donc un événement récemment est... donc là on est en septembre. Octobre, on est en début octobre. Début octobre. Ça file hein, cette année. Mais anti automne. Contre l'automne. Les voitures. Non. La nuit tombe super tôt. Je suis pas l'actu. De plus en plus. Je suis pas l'actu. Vous allez dire putain ça tombe tôt. Je suis pas l'actu. Je suis mauvais en maths. C'est une cérémonie de remise de prix. Voilà. Je précise. Ah c'est les Macron Awards. Je ne suis pas l'actu. Ça existe. Doucement, moi, je faisais une blague absurde, je ne savais pas que ça existe. Doucement, Aurélien. Non, mais les, on est financé par la République en Marche. Toi, bah, le maire d'Autun. Le maire d'Autun, qui est républicain en Marche. Ouais. Ouais, pas républicain tout court. Bah, je sais pas, écoute. Mais c'est non, une remise de prix donc. Une remise de prix. Mais c'est pas les trucs là, les Emmy Awards ou les quoi. Pas les non, bon non, ça je t'en anti Emmy Award. Ah non, c'était, non. C'était pas Emmy, il y a eu un truc mais c'était C'est pas un truc artistique. Oh. Et non. Légion d'honneur, je sais pas, des trucs comme ça. Tu te rapproches doucement. Légion d'horreur. Oh. Et Trump. Ce qui se passe à Hong Kong. Ah, tu suis pas l'actu, Aurélien, tu l'as pas du coup la vanne. C'est pas ça. Taïwan. Si je Hong Kong, les révolutions. Macron. Ouais. C'était pour tester. Je savais pas. Un truc comme les Légions d'honneur, je sais pas. Chevalier des Arts et des Lettres. Attends, est-ce que c'est les. C'est le. Comme le. C'est pas les prix Ig Nobel? Oh joli! Il s'agit de ça, ce sont les anti-prix Nobel. Les prix... Est-ce que tu sais ce que c'est les prix Ig Nobel du coup? Oui, c'est pour, je crois, récompenser les pires scientifiques, un truc comme ça. Les pires avancées de la recherche avec les trucs les plus saugrenus, en gros. Alors, pour info, je sais ça parce que j'ai. À l'époque où j'étais illustrateur, j'avais illustré un article sur cette remise de prix-là. Qui avait gagné à l'époque? Parce ça, que là, ça, j'ai ça les. Ça suit l'actu, tu vois. Ça suit bien l'actu là. Je sais pas. non, mais c'était sur le concept du truc, quoi. C'est quelqu'un qui disait, saviez-vous qu'il existe? Nanana, et moi j'avais fait un dessin, quoi. Par exemple, là, cette année, il y a un professeur de mécanique à l'université de Kushan, pardon, en Iran. Il a été récompensé pour sa machine à changer les couches. Voilà, tout simplement. Donc, il ah a oui, reçu c'est... Un... d'accord. Ouais. Mais... ah ouais, non, c'est est-ce pas que, ouf. Est-ce que les gens vont chercher le prix ou pas du tout? Oui, ils sont là, ils viennent, en fait, c'est un peu... Ça a l'air assez bon enfant. Mais c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est pas genre... parce que moi, j'avais écouté un podcast où il faisait le portrait d'un scientifique où le mec, il avait eu l'idée de mettre du plomb dans l'essence. Ouais. Ce qui avait été une catastrophe mondiale. Et après, c'est lui qui avait eu l'idée de mettre du fréon dans les frigos. Donc c'est le même gars. Et le mec, c'est le pire. C'est pas du tout un scientifique. Mais c'est juste un malade. Et l'amiante dans les toits. Non, c'était pas lui. Mais en gros, le mec, à chaque il fois. Il est deg mais... d'ailleurs. Hein, non, mais à chaque fois, son c'était mon idée. À chaque fois, ses inventions, elles étaient accueillies comme une révolution au début. Et après, le il s'est avéré aussi, que c'était lui, un... peut-être. Et, mais c'est j'ai pas compris, c'est les anti-trucs. Parce que c'est un truc bien qu'il a inventé, le gars. Non, mais c'est un truc débile, quoi. C'est un truc qui est pas. Par exemple, les Français, Cocorico, ils ont remporté de son côté le prix d'anatomie. C'est un Français qui a eu, il a fait un travail d'étude sur les asymétries de température scrotale entre facteurs habillés et facteurs nus en 2017. Okay. Voilà, il vérifiait. Et aussi, il y a eu un mec de Toulouse qui est l'un des inventeurs du slip chauffant, qui peut faire office de contraceptif dans certaines conditions. Ils devaient, ils ont dû se... se parler un petit peu. Bien sûr. Non, mais en vrai, je pense que le truc, c'est bravo, t'as réussi, mais t'as passé beaucoup trop de temps dessus. Je pense un peu Mais qui sont souvent d'ailleurs les gens dont on parle dans cette rubrique de podcast aussi. Hein, parce qu'on sait pas si c'est bien fini, quoi. Parce que si le slip chauffant, par exemple, il y a un fil. Mais le slip chauffant, j'espère que le mec est branché à une prise, c'est nul, quoi. On en achètera un. Mais le slip chauffant, c'est bizarre parce qu'ils disent que ça fait office de contraceptif. Ouais. Donc pour moi, ça donne le cancer des couilles, hein, directement. Enfin, oui, ça, je vois pas. Je vois pas ce que ça peut faire d'autre. C'est trop chaud, ça tue tes spermatozoïdes, je crois. Mais... C'est comme pas de sèche-cheveux sous les couilles. C'est un truc que je vous dis, les enfants, si vous m'écoutez. Pas de sèche-cheveux sous les couilles. Quel était le but de cette idée ? Je l'ai lu dans un bouquin. Je l'ai jamais fait. La flamme d'un briquet non plus. La cheminée. Et voilà, et les vertus sanitaire de la véritable pizza italienne aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Okay. Donc voilà, si jamais vous voulez. C'est juste les termes me font rire à chaque fois. Que propose de faire une société américaine en rapport avec nos ex ? Les effacer, comme dans. Comme dans Eternal Sunshine. Écoute, j'ai envie de t'accorder le point parce que Est-ce que c'est pas les effacer d'internet, genre Exactement, ouais, de vos réseaux sociaux. C'est un peu ça. L'entreprise Edit My Ex. Un nom plutôt cash, mais qui fait bien comprendre le service qu'elle propose. Pour environ 10 ou 20 euros, cette dernière peut supprimer à jamais votre ancien copain. Pas cher en plus. Ancien copain ou ancienne copine sur vos plus beaux clichés. Donc c'est même plus que ça, c'est des fois sur les photos que vous faites. Faut vraiment pas avoir fini bien la relation, quoi. Faut vraiment avoir un truc, quoi. Et puis surtout, du coup, t'as que des photos de toi tout seul qui tient rien. Ouais, avec le bras levé. Mais tu peux choisir qui mettre à la place, tu sais. C'est pas mal. Vous pouvez mettre David Duchovny. Mais c'est toujours la même personne sur chaque photo, donc faut bien choisir. Donc plus on en sait, plus on a de chance que la prochaine relation se passe beaucoup mieux, parce qu'on peut en apprendre beaucoup plus d'une rupture amoureuse. C'est ce que l'entreprise met en avant. Elle a décidé du coup d'envoyer un questionnaire aussi à ses ex afin qu'ils puissent noter leur relation. Elle a voulu aussi connaître mieux les raisons de la rupture. Une idée plutôt originale qui a fait réagir les internautes sur Twitter. Ouais. Je devrais plus suivre. Hein. Ça, c'est pas l'actu vraiment de. T'es revenu un peu sur Twitter. Pour voir un peu l'actu. Ouais, bah, c'est raté du coup. C'est... Ouais, non, j'ai pas réussi. Est-ce que vous auriez pu utiliser, vous, ce genre de. Là, je suis un peu mon default, mais ce genre de logiciel pour effacer une. Personne ne dit pour moi c'est Black Mirror. C'est ça qui. c'est fini cette blague. On se restreint un peu. On compte. C'est ringard. On compte défoncer tous nos running gags au Bataclan. Ah, ok. On fera des trucs là-bas et après on arrête. Non, mais il y a aussi que moi je la reçois vraiment 20 fois par jour. Faire des trucs pour rien avoir. J'en ai eu un aujourd'hui. J'ai pris en photo la canette de Red Bull avec Gotaga de Fortnite. Pour moi c'est Black Mirror. Ouais. Bof. Bof quand même. Non, en tout cas pour répondre à la question, non. Non. Mais jamais ressenti ce besoin même. Parce que moi, c'est vrai que je comprends. Bon, déjà, moi, j'avais pas beaucoup de photos. Moi, déjà, pas longtemps avec les femmes. Moi, ça va aller vite parce que j'ai une ex. Comment elle va d'ailleurs ? Super. Vous êtes restés en bon terme. J'ai pas de photos avec elle, donc. Très rapide. Mais moi, je te dis, moi, j'avais peu de photos avec mes ex aussi, donc j'ai pas. Oui, non, mais enfin, je pense qu'il faut vraiment. Enfin, je sais pas. Genre, il faut avoir un sacré seum pour faire ça. Non, mais ça dépend. C'est bizarre quand même, si tu te fais vraiment larguer salement, que tu vois, il y a un truc vraiment sale. Ou si elle est très présente et tout ça. Ouais, moi, je sais que j'ai eu comprends. Une ex aussi, mais c'est plus Facebook, donc c'est pas grave. C'est sur Insta, je pense que c'est peut-être un peu chiant. Je pense que c'est un service Insta. Ouais. Enfin, moi, Facebook, j'ai quand même supprimé les photos que j'avais en commun avec la personne. Oui, tu t'es facturé. T'as pas enlevé cette personne. Non, j'ai pas enlevé que la personne. Ils peuvent pas éditer une photo sur Insta, c'est pas possible. Tu sais, aujourd'hui les ricains. J'ai rien compris moi. T'as l'actu. J'avoue que je piche pas. Non, mais je pense que Insta, c'est ça. Tes photos que t'as sur ton disque dur, je pense. Ouais, c'est ça. Ils en peuvent fait. Pas. Ils vont pas à modifier ton kit. Ouais, Insta. Ah, genre en fait, c'est juste un graphiste. Tu lui envoies une photo. Ouais, c'est vraiment juste il ça. Il prend le tampon de multiplication là. Et il met le ciel à la place de la meuf. Surtout que maintenant, c'est plus ou moins. Il y a des trucs qu'ils font automatiquement. Enfin, il y a vraiment des applis où tu t'entoures un truc et bam, ça l'efface. Non. Quoi. Techniquement, tu m'en es extrêmement calé. Fou, hein. J'ai vu tout à l'heure sur l'iPhone. Ouais, ouais. Ça, j'ai une app là pour effacer les trucs. Ça marche hyper bien. Non, mais en vrai, je vous montrerai. Et en plus, il dit app quoi. Enfin, c'est de prouve à quel point. C'est le cours pour dire application. Ah, oui, d'accord, ok. Non, mais par contre, pour moi, c'est une série télé. Hein. Un service. Mais je dis pas laquelle pour éviter. Non, mais un service qui par exemple pourrait m'effacer de certains sketchs Golden Moustache. Trois titres tout de suite. Le mec qu'on efface dans les sketchs. Non, oh. En plus, je dis ça, c'est un peu pour la blague, mais... Boum, allez, j'adorerais qu'il y en ait un. Non. Bah, ceux que j'ai réels, vas-y, histoire que... Bah, lesquels, je me rappelle plus. Mais non, mais si, c'est mais non, pire. En tout cas. Si, si, en tout game. Mais oui, bien sûr. Ah, non, bah, attends. Non, en plus, j'ai pas tellement... Peut-être des brand content un peu honteux, quoi. Ou t'es peut-être un peu bleu, par exemple. Enfin, je sais pas. Non, ça va, ça. En plus, là, pour le coup, c'est juste moi qui joue mal, quoi. T'achètes pas de gel, toi, d'ailleurs, non? Comment? T'achètes pas de gel? Gel, non, pas trop, non. C'est pas ton délire. Non. Pub pour le shampoing. Alors, c'est pointu comme van, hein, faut être. C'est du gel. C'est du gel. Bien sûr. Vive le dop. Donc, nouvelle question. Quelle avancée, pardon, dingue a proposé une compagnie aérienne japonaise? Une avancée, genre dans le ciel? Non, une avancée. C'est dingue, en termes de service. En termes de service proposé. Tu te fais sucer, mon pote! Qui a dit ça? C'est le mec qui était innocenté tout à l'heure. C'est Steve. Putain de Steve. C'est Steve et sa grosse queue. Il passe qu'à ça, voilà. C'est même sa queue qui. Ça, ça, bref. Qui parle. Je veux pas. Un service que Edith Mayek a refusé d'effacer d'ailleurs sa queue. Elle fait non, ça, on peut pas. T'as le droit de voler, t'as le droit de voler tout. Franchement, regarde ta queue. Donc c'est il y avait un truc avec les pets la dernière fois dans alors oui dans un précédent Floodcast on parlait d'une loi kényane pour empêcher les pets dans les avions qui n'a pas été votée d'ailleurs je le dis et non on est sur une vraie avancée mais c'est vraiment moi quand je l'ai c'est vu technologique c'est pas technologique c'est vraiment dans c'est le dans service. De service exactement ouais. Mais Mehdi l'avait ah, pardon, il plus il me regarde plus donc désolé, j'étais en train de hurler se faire sucer mon pote et du coup j'ai pas entendu c'est désolé c'est important c'est toi, je suis déçu. Du coup, c'est pas ça en tout cas, c'est pas ça. C'est pas se faire sucer. Non. Un massage. Compagnie aérienne avancée technologique. Pas un massage. De service, pas technologique. Bon, Aurélien, c'est l'actu de la vie même là. Un psy. Un psy. Non, pas un psy. Putain, ça serait pas mal, hein, franchement. Tu fais une séance de psy pendant un vol et. Bam. Wow. Je sais pas. Après, ça, ouais. Après, c'est pas très cosy l'avion. Quoi. Genre. Non, mais il y a. Alors, non, sont tes peurs cabine, t'as une petite voilà. Cabine. Ouais. Quelles sont vos peurs? Bah, l'avion déjà. Ah, bah là, je peux pas faire grand chose. Ah, c'est ouais, un là, peu là, tard. C'est là. Là. C'est sur tous les vols ou sur les très longs vols c'est... Ou... Ah, alors, c'est j'ai pas. Ah, pas de... j'ai pas c'est une bonne question. Je te dis ça très vite, mais je crois que c'est sur tous les vols. C'est global. Putain, j'ai jamais autant regretté de pas suivre l'actu. C'est un truc un peu plus cher. Une tablette pour mettre une boisson, peut-être. Ça, c'est beaucoup d'avions. Je ne suis pas l'actu. Un porte-gobelet. Peut-être un écran où il y aurait des films. Peut-être. Ça serait ouf. Ça serait une série télé. Pour la nuque. De la nourriture. Je sais pas. Bah, on parlait la dernière fois d'XL Airways avec Hakim Gemili. XL Airways ne proposait pas de nourriture. Ah, il fallait la payer en plus. Oui, voilà. Mais ça, il y a pas mal de. Fait les locaux. Poser vrai. Des chewing-gums, je crois. Ouais. Non, c'est quoi la marque de chewing-gum? Vous comprenez ma vanne ou pas? Ah, Airways. Voilà, c'est ça. J'ai pas tout à fait. J'adore faire une vanne et puni par vous comprenez ma vanne. Des jeux. Moi-même, je la comprends pas. Des jeux, genre un mec qui vient qui joue avec les. Un magicien. Un entertainer, quoi. C'est pas un spectacle. C'est pas un divertissement. Non. Est-ce que c'est rapport avec le corps? Non, non, mais c'est genre un massage. Ouais. Non, c'est pas ça. Ou se faire sucer, non. Non, bah, arrête, enfin. Non, mais je parlais au mec à la grosse tub là-bas. Ouais, ah, Steve, pardon. Il a un prénom. C'est pas seulement un pénis. Oui, il y a un homme derrière ce pénis. Un plaid? On le voit pas tout le temps, mais il est derrière. Il y a déjà des plaids dans les avions. C'est un plaid, non? Aurélien. Mais tu prends pas d'avion. Mais c'est sa blague. On joue le jeu, Adrien. Oh là là. Non, vous y croyez? Oh, je joue le jeu. Ça va, il joue le jeu. C'est un petit indice, non? Un petit indice, c'est pour le confort du vol. Du vol, des somnifères, il propose. Ah, non. C'est une version de ton corps. Est-ce que c'est quelque chose que tu ingères? Pas du tout. C'est un accessoire? Non. Est-ce qu'ils mettent une musique? Non, c'est un système de. Vas-y. Du LSD. Des fauteuils massants, chauffants. Non. Je vous aide. En fait, un truc pour le silence? Non, mais tu choisis. C'est ça. Non, mais tu choisis ton siège. Mais. Quelle est la fonction qu'on propose en plus dans le fait de choisir ton siège? La 4DX. Non. Tu peux être. L'avion donc. L'avion G. Tu peux être face à la fenêtre. Non. Un espace de débat. Face à la fenêtre, d'ailleurs, j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Ah, ouais. Oh, c'est bon ça. Petite référence à Calo. Putain, mais je sais pas. Un siège? Non, tu. Non. C'est marrant, une compagnie très très low cost, tout est debout. C'est un sketch qu'on a fait, Adrien. Tu t'attaches. Ah bon? On a fait un sketch pour le Bagel qui s'appelait Very Low Cost, où on faisait les blagues de qu'est-ce que serait une compagnie vraiment à chier. Il y avait être debout, c'est ah ouais. Ils sont comme dans le métro. T'as oublié ce sketch? Tu veux t'effacer de ce sketch? Pas encore là, moi. Ah ouais, t'arrives après? Ah ok, pardon. Bah, c'est un sketch qu'on avait fait pour le Bagel qui s'appelait Very Low Cost. Voilà. Voilà. Que je vous invite à regarder. Bah, un truc avec les jambes, non? Pour les pieds, pour. En gros, tu peux. Ah, est-ce que. Vas-y. Ils sont inclinables et tu, il y a les jambes, non. C'est nul. C'est par pas... rapport aux autres passagers. Oui, voilà, c'est je ça. Peux pas, je peux pas vous dire. Ah, loin des bébés. Exactement. Ah, c'est-à-dire que c'est Japan Airlines. Ils te garantissent que tu seras, que t'auras pas de bébé. En fait, ils t'indiquent où se trouvent les bébés dans l'avion. Et du coup, tu choisis ta place par rapport à ce qu'ils te disent. Mais c'est trop bonne idée. Trop voilà. C'est vraiment. Exactement. Foutre en l'air ton voyage. Indique les bébés de 8 jours à 2 ans. Vous pouvez aussi choisir un siège éloigné. Bien sûr, une famille avec un bambin peut toujours s'installer derrière vous après que vous ayez fait votre réservation. Certains trouvent toutefois cette procédure excessive et appellent à plus de tolérance. Ah, ce sont des bébés, comme nous étions tous autrefois. Nous devons apprendre la tolérance. Sinon, nous aurions besoin aussi d'un plan indiquant où sont les ivrognes. Les ivrognes dans l'avion, c'est ce qu'on a tous vu. Les ivrognes, les ronfleurs et bien d'autres choses encore. A ainsi commenté juste un internaute. C'est vraiment, c'était un gars qui a parlé. C'est un ça mec sur Twitter, les articles maintenant. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc voilà. Donc c'est là, je trouve que c'est une excellente idée à mes yeux. Moi, en vrai, j'ai eu du cul. J'ai jamais été trop près d'un bébé quand même. Même si, énorme soutien à ceux qui voyagent avec leur bébé. Oh parce que tu vois toujours dans leur regard. Bah ouais, c'est bien les pauvres. C'est une catastrophe. Moi, j'essaie d'avoir de la compassion. Je prends un peu l'avion. Quand ça m'arrive, je les regarde et je fais. Ça, on avait le pouce comme as. Un peu l'avion, hein, quand même. Ça, on avait ouais, si, mais j'ai pris une fois. Et ce sera la dernière question. Qu'est-ce qui a été reconnu en Allemagne comme une maladie? Le sida. L'addiction au téléphone portable. Non. C'est... Alors là, pour le coup, ce serait vraiment Casa des Papel. Ce serait. comme une maladie comme en une Allemagne. Maladie est-ce en que Allemagne. C'est un truc qui touche tout le monde ou uniquement l'Allemagne? Précisément l'Allemagne. Tu veux dire comme le capitalisme? Bah, c'est le capitalisme ou le nazisme? Est-ce que ça a un rapport avec le cul? Non. Mais bonne question. Mais très bonne question. Non, rien à voir avec le cul. Est-ce que ça a un rapport avec les odeurs? Par contre, moi, ma question, tu me réponds pas. C'était quoi, pardon, excuse-moi. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde? Oui, ou c'est oui, tout le monde. Non, pas parce que c'est spécifique à l'Allemagne. Rien à voir avec la chose. Mais l'Allemagne va le voter. D'accord. Et du coup, Sylvain, un rapport avec les odeurs? Pas avec les odeurs. Okay. Ça peut, mais ne part pas là-dedans. Une maladie. Une addiction, c'est une forme d'addiction ou pas? C'est une. Pas vraiment, pas vraiment. Ah, je t'aide peu. Je reconnais comme une maladie. Putain. Avoir mal à la nuque à force d'être penché sur son téléphone. Ça a un rapport avec le téléphone ou pas? Ça n'a rien voilà. à voir avec le Terminé. Téléphone. Voilà. On arrête tout de suite. On arrête. Mais c'est un truc que, en vrai, pas tout le monde peut vivre, mais une certaine tranche de la population. Les vieux? Non. Les jeunes? Non. Les hommes? Les moyens. Les gens moyens. Les moyens. Pas les hommes? Si, les hommes, mais ça peut être aussi les femmes. Ah, d'accord. Il n'y a pas de. C'est pas de spécificité à ça. Donc c'est pas la calvitie. Non. Mais tu dis. En tout cas, c'est. C'est une tranche sociale. Non. Mais c'est quand même une tranche spécifique, quoi. Ouais, c'est spécifique. Les CSP+. Par rapport à la taille. Le chômage. Non. Mais par exemple, les jeunes. Les irradiations. T'es une horrible personne. Laisse-le. Il y a des malades qui craquent, qui font bon. C'est une maladie. Du coup, vous avez des allocs. On vous euthanasie, c'est le seul moyen de traiter cette maladie. C'est terrible, c'est le maladie. Chômage. Arrêtez Macron, on vous entend peut-être. On l'embrasse. Ça va lui donner des idées. Oh Macron. Dis donc, je te sers un godet ou quoi? Ah et oh. Non, si c'est voté dans un pays comme l'Allemagne, c'est que c'est quand même, c'est pas un truc complètement farfelu, je pense. C'est un truc un peu sérieux quand même. C'est l'Allemagne, merde. Bon, Sylvain, les enquêtes, là, Derrick et tout, c'est l'Allemagne, Derrick. Non, mais tu disais, t'avais commencé une phrase. Les jeunes. Non, mais par exemple, les très jeunes ne sont pas touchés par ça. Et c'est pas du cul. Ah oui. C'est un rapport avec le travail. Le chômage, ouais. Non. J'aime bien que tu aies renié en disant ouais à la fin. Très jeune jusqu'à. J'avoue, pardon, excuse-moi, Aurélien. T'as raison. Très jeune jusqu'à quel âge? 16 ans, 15 ans, c'est le début. Tu peux commencer à souffrir de cette maladie. L'acné? Non. Le priapisme? Non. Tu peux souffrir de cette maladie. Non, maladie selon l'Allemagne, c'est pas une maladie. Oui, mais pour moi, c'est plus une résultante de quelque chose d'ailleurs. Petit indice que je vous place en scred. La diarrhée. Pas loin. Non, pas là. Le judaïsme? Non. Waouh! Non, je pense qu'il a voulu. 13 ans, ça compte pas, c'est ça là. Je pense qu'il a voulu faire de l'absurde, mais enchaîner. Non, mais. N'oubliez pas que. J'ai rien de l'absurde, évidemment. C'est de l'absurde, mais l'enchaînement ne joue pas en ta faveur, Aurélien. Là, il y a vraiment l'Allemagne, il y a vraiment. Enfin, il y a tout. Non, je savais pas, j'ai pas du tout fait exprès. Pour sa défense, il ne suit pas l'actu. C'est pas ça. C'est de l'absurde, mais profondément antisémite. Bar mitzvah. À diarrhée, t'as dit que c'était un peu ça quand même. Non, ça peut être lié à ça. Non, mais en vrai, ça a un rapport avec le football ou non? Non, pas du tout. Pas du non, c'est moi qui fais les lois en Allemagne. Hein. C'était un peu lié. Ouais. Non, mais toi, le cul, c'était le sexe. C'est vrai. Là, c'est le trou de balle. Non. Ouais, là, tu parles. C'est bien précisé. Il a mimé même le trou de balle. Là, c'est le trou de balle. La malbouffe. Non. Fortnite? Non. Le diabète? C'est déjà une maladie. L'alcoolisme. L'alcoolisme. Je dirais le cancer. Le rhume. L'alcoolisme. Ah. Alors on s'approche. La cirrhose? Non. C'est une maladie. Mais enfin, putain, Kong. Mais c'est vrai, Donc, il y a le tabagisme. Bah, tabagisme. Non, alors c'est alcool. La couprose. Pas couprose, mais résultante. Mais pas forcément à longue durée, très courte durée. La cuite, la cuite. La gueule de bois. La gueule de bois. La gueule de bois, putain. La gueule de bois. C'est une cour allemande a estimé dans un arrêt. Je suis nul. Mais putain, on aurait pu trouver plus. Ça sert à rien de suivre. Si on suivait la cuite, ouais. Genre, je l'ai vu. Une cour allemande a estimé dans un arrêt rendu public lundi que la gueule de bois était une maladie, alors que la fête de la bière et ses excès d'alcool bat son plein depuis ce week-end. Pour les arrêts de travail, en fait, ça sert. La maladie. Ah. Statut en appel, des juges de Francfort ont donné raison à la requête d'une association contre une société proposant une boisson anti-gueule de bois destinée selon elle à se remettre plus facilement d'une soirée arrosée. C'est cool ça. L'information concernant un produit alimentaire ne peut pas s'attribuer des propriétés de prévention ou de traitement d'une maladie humaine ou donner l'impression de le faire. Or, pour les magistrats, le terme de maladie se comprend comme un dysfonctionnement même minime ou provisoire de l'état normal du corps. Donc la gueule de bois en fait partie. Mais donc ouais, donc maintenant c'est vrai que tu peux, comme tu dis, t'appelles et tu dis bah, ça sert à ça. Malade. Mais allez chez le médecin quand même quoi. Allez chercher un arrêt de travail. Il faut que tu ailles encore bourré, donc faut vite y aller, faut prendre un rendez-vous très tôt quoi. Sinon tu l'es plus du tout. Donc il faut être en état d'y aller quoi déjà. Ouais. C'est vraiment le truc inapplicable quoi. C'est Sam, ça comprend ça aussi maintenant. C'est Sam t'emmène aussi directement chez le médecin. Putain l'actu. J'ai eu des grosses cuites comme ça, des grosses gueules de bois bien dégueulasses, Aurélien. Ouais. J'ai jamais été ivre moi. Jamais? Bah non. C'est vrai? Bon, ouais, jamais. Ouais. Enfin, ivre, jamais. J'ai quand même plusieurs fois vu ivre d'amour. Bien sûr. Oui, oui. Si. Ouais, très clair, ça m'est arrivé assez. Oui. Mais de là à dire maladie? Non, parce que je vois pas. Alors, en fait, la gueule de bois, c'est dur, c'est relou parfois, mais il y a un truc un peu. C'est bizarre, mais un peu cool. C'est-à-dire qu'en fait. Tu culpes pas, d'ailleurs, pas de rien foutre. Mais... Non, mais si des jeunes nous écoutent, d'ailleurs, buvez. Buvez énormément. Et en fait, non, il y a un truc. J'aurais déjà la maladie. Je sais pas si ça vous le fait, mais genre. Pour Adrien qui n'a jamais été ivre, mais tu sais, quand tu bois vraiment beaucoup, moi généralement, quand je rentre très tard ou que j'ai beaucoup bu, je dors peu et donc je me réveille assez tôt, forcément, avec encore un truc d'euphorie où je suis un peu rebou et je suis super sensible à ce moment-là. Et ce que je fais, mon petit rituel, je mate Forrest Gump, non, mieux, je mate des vidéos de Zizou sur YouTube, ok, en écoutant Blonde de Frank Ocean, et je te jure que c'est, et en buvant un Coca Zéro. Il y a tout un rituel, c'est incroyable. Alors j'ai bien vu ici qu'on est Team Pepsi Max et je m'en excuse. Non, mais et donc à ce moment-là, j'ai les gueules de bois. Il y a des moments où je suis pas en... mais quand genre je suis en gueule de bois, mais c'est encore un peu euphorique et excité un petit peu de la soirée et en état de le faire, je fais ça pendant 1-2 heures et genre il y a presque des larmes qui coulent parfois. Mais j'aime la précision du rituel. Ouais, c'est génial. Après généralement il y a un moment où effectivement ça retombe parce que je reste un être humain et genre je dors après pendant 2-3 heures, tu vois, genre 3 ans. Mais donc je suis un peu amateur de la gueule de bois en fait t'aimes bien. En fait, j'aime pas parce que physiquement c'est relou, mais il y a un moment cool dans la journée qui dure à peu près 2 heures où je peux me retrouver avec Zizou et c'est un moment, c'est un truc un peu important quand même. Et Zizou, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, donc en plus, pouvoir te retrouver 2 heures avec lui, c'est quand même kiffant. Buvez de l'alcool si vous voulez. C'est la petite souris des mecs bourrés quoi. Tu mets ta gueule de bois sous l'oreiller, il y a Zizou qui vient pendant 2 heures. C'est Zizou. Donc voilà. Des remèdes anti-gueule de bois peut-être d'ailleurs. Zizou. Mais ça, outre Zizou. Il y a une très bonne vidéo de mon ref sur sa chaîne Dans ton corps où il parle de la gueule de bois. Il donne des techniques. Ouais. Il a sûrement pas dit le McDonald's. Bah moi, c'est Doliprane. Boire beaucoup d'eau. Il paraît qu'il faut boire avant de se coucher, genre. Ouais, moi je bois beaucoup d'eau la veille si j'ai bu un peu. Ouais. Et même si tu prends des trucs genre citrate de bétaïne, j'ai peur de mal le dire, ou même Doliprane, c'est mieux si j'y pense avant de me coucher, c'est cool. Ça. Ah bah d'expérience aussi, oui, c'est beaucoup mieux. Et je me force à boire 20 gorgées avant de me coucher, moi. 20 gorgées d'eau, c'est relou, 20 gorgées d'eau. Et on m'a dit aussi que des fois c'est un verre d'alcool, un verre d'eau. Ouais, t'es censé faire ça dans ta soirée. Ouais, ça, dès que tu bois un verre d'alcool, tu bois un verre d'eau parce qu'en fait sinon tu t'hydrates à l'alcool et donc du coup ça. Mais c'est pas si con parce que t'as souvent juste envie de boire un truc. C'est vrai. Au final, tu bois de l'eau, c'est la même. Mais je crois que j'ai jamais vraiment vu quelqu'un faire ça. Ouais. Enfin, genre, tu vas au bar, non, mais... tu dis tu veux quoi après ta bière, bah une bière. Genre. Ouais, ouais. Et surtout de l'eau, de toute façon, bon, déjà, si t'es à Paris, c'est repayant, c'est 6 balles. Donc déjà, tu laisses tomber. Tiens, ton Perrier. Tu vas dans les toilettes, mais non. Bon, c'est directement un verre d'eau à Paris. Je pense que personne n'a fait ça dans sa vie. Vraiment, tous les gens qui ont essayé, ils ont dû tenir 5 minutes. Ouais, au bout d'un moment, ouais, non, mais. En tout cas, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous le dites tout de suite. Les amis, l'actualité. Attends, je voudrais rajouter un truc insolite. Je sais pas si vous avez vu cet article, le New York Times. Ah, donc monsieur ramène ses actus insolites, j'aime bien. Bah écoute, je l'ai vu tout à l'heure. C'est que apparemment Trump pour. Oh le Trump. la solution pour solutionner. Attends, juste pardon, c'est... on peut qui est Alors arrête, je suis vraiment pas ouais. C'est Donald Trump en fait, c'est le nouveau président des États-Unis depuis un peu plus d'un an maintenant. En plus de deux qui a aussi joué dans Maman j'ai raté l'avion. C'est vrai, le deux aussi. Ah, je vois. Je vois, d'accord. Il avait une émission de télé avant. Je suis pas là-dessus, mais je connais le cinéma des années 90. Voilà, bah ce mec là, il est acquisement de son chemin, c'est le président maintenant des États-Unis. OK, il est sympa. Pas ouf. Ah, pardon. Pas ouf. Dans le film, il est marrant. Ouais, mais il joue très bien. Là, c'est un jugement politique, je trouve ça dépassé. C'est mon avis. D'accord, mon avis. OK, bah j'ai le gars, pardon. Si on ose, attention. Ouais, bah ouais, ça me dérange un peu. Pardon. Je te laisse poursuivre du coup. C'est pas de l'avis de tout le monde, je sais. C'est un truc un peu marginal ouais, que je pense, ça. Mais je me trompe pas ouf. Et non, et apparemment, ils ont, je sais pas s'ils ont trouvé ça dans des notes ou dans des rapports de réunion, mais il a proposé pour le mur là, entre le Mexique et les États-Unis, il a dit, mais on fait des murs électrifiés avec des pics en haut et en bas des douves avec des crocodiles et des serpents dedans. Mais non. Il y a un truc. Hein. Il y a un truc. Donc, vraiment, il a été inspiré par Maman, j'ai raté l'avion. Mais c'est vraiment un méchant de film hollywoodien, en fait. C'est vraiment devenu ça, quoi. Pour moi, c'est un méchant de dessin animé, James là. Bond, ouais, c'est... Le James Bond de dessin animé, ouais. Des crocodiles et des serpents, on dirait vraiment un enfant de 8 ans, quoi, ouais, qui a fait un dessin. C'est le némésis de Donald Duck. Il l'a pris de son frigo, il a fait, je veux ça. Et apparemment, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'apparemment, il avait dit, mais sinon, on pourrait autoriser les gardiens de frontières à tirer sur les mecs quand ils leur jettent des pierres. Donc... Wow. Il y a son assistante qui a dit bah non ça c'est illégal. Il a dit non bon bah tire dans la jambe alors. Elle a dit c'est aussi illégal de tirer. Faut en fait, qu'on attende juste tirer de l'autre côté du mur pour tirer dessus. Bah ou quand ils sont juste en haut sinon peut-être. Juste on met un trampoline et quand ils sont en hauteur on tire. Ou alors on met une enclume très haute et quand il arrive ça, la dynamite fait exploser. Attendez, tombe sur le Mexique. Je vais appeler ma collègue Colkin. On va taffer un truc. Non mais c'est oui c'est Will c'est Will Coyote, Will en fait, Coyote et Macaulay Culkin mélangés. Des grands élastiques. Les amis. Donc les amis l'actualité il y a eu aussi quelque chose récemment. On n'était pas là pour en parler. La mort de Jacques Chirac. Ah oui. Ah mais pardon. Parce que ici on ah a ouais un podcast. Ouais. C'est un podcast assez politique. On est assez politisé. Pas, en fait. Donc, bon. Tu sais pas où t'as mis les pieds. Ouais. Tu vas voir, ça va prendre tout un tournant assez politique. Le mec est mort. Oui, il est mort. C'est lui, c'est celui qui présentait qui veut gagner des millions. Non, ça c'est Foucault. Il présentait Guignol. Cette blague, elle marche vraiment bien cette blague. Vraiment, je. Non mais parce que et c'est là où tu vas voir le tournant en politique est là, c'est que nous allons incanter. N'Golo incanté. Non, l'esprit de Jacques Chirac. Je suis un peu l'actu. Je mets ma musique satanique. Voilà. Putain, c'était donc ça. Nous allons incanter Jacques Chirac pour faire un jeu avec lui. Invoquer peut-être. J'ai dit quoi? Incanter. Incanter c'est quoi? C'est décanter même. C'est la coupe du monde, Flo. Invoquer. Alors, une incantation. Une incantation. Bah oui, incantation, ça existe. Oui, oui. Mais incanter est-ce quelqu'un, on incante quelqu'un, pas, je sais pas. Mais oh. tu peux le dire, on peut te laisser t'afficher. On va l'incanter. Vous savez quoi? On l'incante. C'est une langue vivante. Si j'ai envie qu'on l'incante, on l'incante. On l'incante. C'est ton podcast, merde. On va incanter Jacques Chirac. Est-ce que Jacques Chirac est avec nous? Crac. Oh non. Attendez. Non, ça marche direct. Attendez. Il y a même pas de bougie. Non, attendez. Qui a dit ça là? C'est Jacques Chirac. Crac. Putain, ça marche. Ça marche très bien. Si vous avez c'est des questions, c'est hyper facile. Non, mais bah, il suffit de dire son nom. Il est très fort aussi. Hein. Mais non, c'est fou. Non, mais après, je pense qu'il est mort récemment, donc du coup, il doit être proche de nous. Ouais, mais personne. Pas. Ah, vous pouvez parler, Jacques Chirac. Si vous avez des questions, question, alors vas-y. Est-ce qu'il est vrai? Je peux le tutoyer, je sais pas comment on lui parle. Crac, comme tu veux. Crotte de caniche. Bah, il te tutoie. Oh, il te tutoie en tout cas. C'est oui. Ouais, si en même temps, moi, c'est un approche du peuple. Il a toujours. Moi, je vais le vous voyez. Ok. Est-ce qu'il est vrai que vous avez couché, comme certains le disent, avec Claudia Cardinal? Oui. Oh putain. Oh. Vous avez fait crac crac. Crac crac cardinal. Ok, merde, bah merci. Maire de Paris. Non, c'est vraiment lui en plus. C'est, ah non, mais... toutes les refs sont vraies quoi. Vérifiables et tout. Non, mais en fait, c'est à dire qu'il connaît bien sa vie. Il connaît bien sa vie. À peine mort, il a énormément d'autodérision. Tout de suite, on sait, il cite les vannes sur lui, les trucs. Ah non, mais c'est. Il a toujours eu ça. C'est rare chez les morts. Non, il faisait pas son imitation quand il était. Si, mais là. Pour moi, je suis pas là-dessus. Si, vraiment, c'est. C'est les années 90. Non, puis. Ok, très bien. Mort, il est devenu beaucoup plus cool aussi. Ok, vraiment beaucoup plus cool. Bon, personne n'a d'autres questions à Jacques Chirac. Délire, non, j'ai. Jacques Chirac. Non, non, mais ok, pas de soucis. Parce que de toute façon, Jacques Chirac n'est pas là pour une raison complètement gratuite. Mais d'accord, c'est Jacques. En fait, Jacques Chirac a Je me permets de parler à votre place, monsieur le président. Crac-crac. Voilà, donc très bien. Vraiment cool, hein. Très bon délire. Après, c'est sympa qu'ils viennent comme ça. Non, mais après, j'ai tendance à interpréter ces crac-crac aussi. C'est-à-dire que voilà. Mais donc, en gros, il a un jeu à vous proposer. Jacques Chirac va vous citer des noms et la réponse est un jeu de mots avec son nom de famille. C'est un jeu qui s'est inspiré d'un jeu d'Adrien Méniel. Il faut savoir que Jacques Chirac est très fan d'Adrien Méniel. Je savais pas. On peut lui demander. Vous êtes fan d'Adrien Méniel? Vas-y. Monsieur Chirac? Crac-crac. Mais donc vous me connaissez en fait? Bien sûr, crac-crac. Vous êtes belge aussi apparemment. Maire de Paris. Ah oui, pardon. Mais non, bien sûr, pas de Bruxelles, ça n'a aucun sens. Donc, sur ce jeu qui était les jeux qui baiseraient ensemble, si tu peux donner par exemple, Adrien, je sais pas, deux exemples comme ça de gens qui baiseraient ensemble et ah oui, c'est un jeu de mots. Le jeu, alors, un exemple, c'était pas avec, c'était vous, pas avec monsieur Chirac. Eh non, crac-crac. Voilà. Mais moi, c'était par exemple quand je disais. Hein, alors, je joue dans Piège de cristal. Hein, alors, Cruchot. Donc Bruce Willis mélangé avec De Funès. Galabru, Galabru, pardon. Et donc du coup, c'est un jeu de mots. Ça donc fait Galabruce Willis. Galabruce Willis. Galabruce Willis. Ah, là, pas c'est mal. Pareil avec Jacques Chirac. Ok. Donc il y a Jacques Chirac à Calais, quoi. Alors Jacques Chirac ou juste Chirac parfois. Alors ça peut être juste Chirac. Et évidemment, vous imaginez bien que ça va être de plus en plus tiré par les cheveux, hein, évidemment. Vous êtes prêts? Monsieur Chirac prêt? Crac-crac. C'est pas possible. Manger des pommes, crac-crac. Ok. Ah, c'est vraiment lui, hein. Donc. crac-crac. Je joue au basket. Casquette des 90. Crac-crac. Je marque des paniers. Je joue dans quelques films. J'ai le sida, crac-crac. Non. Attends. Sida, Magic Johnson. Non, il est ah trop oui, non, j'ai mélangé. Tu t'es mélangé, c'est ça. Enfin, monsieur Chirac, crac-crac, pas fan de basket. Oui, il s'est trompé, monsieur Chirac. Non. Parce que moi, j'ai la réponse, tu okay. me l'as donnée. Crac-crac, basketteur, copain de Kim Jong-un. Crac-crac. Non plus. Si. C'est Dennis Rodman. Oui, c'est Dennis Rodman, ça. Donc, c'est ni Magic Johnson, ni Dennis Rodman. Voilà, un indice. Je suivais l'actu dans les années 80. Bon, c'est Michael Jordan, c'est ça. Peut-être que monsieur Chirac a pas suivi l'actu, effectivement. Crac-crac le basket. Très grand. Je suis très très grand. Je suis pas grand comme trois pommes. Crac-crac, manger des pommes. Jacques O'Neill Chirac. Ah Shaquille O'Neill. Bah, Shaquille O'Neill, quoi. Donc, Jacques O'Neill. Oui, mais. Attends. Chirac. Jacques Chirac O'Neill. Ah, Jacques Chirac O'Neill. Oui, Jacques Chirac O'Neill. Ah, pardon, sûr. Merde. En vrai, il y avait vraiment Jacques Chirac. Jacques Chirac O'Neill. Après, vous faites le jeu de mots comme vous voulez. Hein. Y a pas de... Sauf votre respect, monsieur le ex-président. Crac-crac, grand monsieur. Je suis mort, crac-crac. Putain, merde, il était bien, désolé. Alors, le prochain. Voilà, je peux jouer parce que. Je suis chanteuse, crac-crac. Pupo Ralbé, Waka Waka, crac-crac. Jacques Chirac. J'avais Chirakira. Chirakira. Chirakira, ouais. Aurélien, ça te plaît ou pas? Ouais. Pas besoin de suivre l'actu, j'adore. J'ai entendu parler de Shakira donc. Essayez d'avant de trouver la réponse, de trouver le jeu de mots directement. Ça rajoute un peu. Je me permets, monsieur Chirac. Vous avez bien raison. Écoutez. Ok. Et le nouveau, vous êtes prêts? Ça me bouleverse. Attends, on parle pas tous les jours à un président mort. Je suis roux, crac-crac, chanteur anglais. Ed Chirac, elle est bien, Ed Chirac. Ouais. Ouais, un point pour Aurélien. Ouais. Pour le moment, c'est toi qui gagne, Aurélien. Je le dis, voilà, sachant que. Ouais, mais je l'ai mal dit le premier et je refuse. Non, il y en a. T'inquiète pas, tu as. Non, celui-là, on te l'accorde aussi, l'autre. C'est un jeu de mots qui est écrit sur le tableau dans les toilettes de mon frère. Ed Chirac. Ed Chirac, du coup, il était prêt. C'est un peu de la triche. Plagiat, crac-crac, côté comique. Lui, il suit l'actu. Ah bah. Mais... j'adore l'actu, les pommes. Ok, je suis un auteur, crac-crac, un auteur anglais, décédé moi aussi depuis longtemps. Écoutez, Darvor, je Shakespeare. Suis un auteur. Ouais. Moi, j'avais Chirac Spear, moi j'avais. Chirac Spear, non, mais si, elle marche. Elle marche. C'est pas vraiment pareil du coup que les. Il est mort. Oui, il est mort. Non, mais... Ah, c'est tout de suite tiré par les cheveux, quoi. C'est pas plus tard. Non, mais c'est pas. Y a pas. Y a rien. Y a pas la syllabe en commun. Jacques Chirac Spear. Tu peux respecter un peu un mec qui est décédé il y a pas longtemps. Non, mais c'est pour dire que c'est pas vraiment pareil. Je pensais que c'était. C'est mon valise, quoi. Crac-crac, je bombarde l'Atlantique. Crac-crac. Ok. C'était un test. Jacques Chirac. Je suis détective, détective anglais. Crac crac, Robert Downey Jr. m'a interprété. Sherlock Holmes. Ouais, Sherlock Holmes. C'est tellement... Sherlock Holmes. Allez, allez, c'est bientôt terminé, on tient, on c'est tient. En même temps hyper simple et hyper dur. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, attendez, attendez. Attendez. Je vois, il y a le fantôme du bébé de show qui est aussi décédé de Chirac. Crac crac. Ah non, c'est Mitterrand là. C'est Mitterrand. Écoutez. Je suis con, c'est Mitterrand ça. Est-ce que les deux peuvent se parler peut-être? Mitterrand. Oui, écoutez. Monsieur le Premier ministre. Non, crac crac, je ne suis pas Premier ministre, vous n'êtes pas Président de la République, nous sommes deux candidats au service de la France, crac crac les pommes. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Ça rappelle le bon temps. Écoutez, j'ai entendu votre jeu et j'ai décidé de participer. Ah, crac crac, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Les mecs refont leur meilleur tube, c'est génial. C'est extraordinaire. C'est un peu un revival. Ouais. Alors, bah, attends, est-ce que moi, Florent Bernard, je peux jouer à votre jeu, Monsieur Mitterrand? Attendez, monsieur, je vais vous laisser mon micro, Monsieur Mitterrand. Merci. Oui, vous pouvez jouer. Ah, merci beaucoup. Mais Mitterrand Chirac, est mort aussi, c'est ça l'actu. Est-ce que Monsieur Chirac peut jouer aussi? Avec grand plaisir. Ah, crac crac. Mettons de côté nos différents politiques. La hache de guerre, crac crac. Elle est enterrée. Comme nous, crac crac. Je ris. C'est Julien Clerc aussi. Je suis un personnage fictif. Je fais la guerre du Vietnam. François Mitterrand. Oui. Oui. Bravo, je vous félicite. À vous, Monsieur Chirac, je vous en prie. Ah, c'est Jacques à son tour. C'est Jacques Chirac à son tour. Alors, celle-là, elle est. Je reprends le micro du coup. Ouais. Alors, c'est plus un film. C'est plus un film et non pas un personnage. Ok, crac crac. Je suis. Bienvenue chez les Chirac. Non, mais elle était très bien. Jacques Chirac Nadeau. Non, attendez que je. Mais elles sont super. Très bien. Elles sont toutes mieux que celles que j'ai trouvées. Titanic Chirac. Je suis. C'est ça. C'est la dernière fois qu'il a vu l'actu donc. Batman et Chirac. Non. Je suis un animé d'un pays asiatique. Jacques Chirac coûte. Naruto. Le voyage de Chichirac. Ouais. Hiro. C'est ça. Ah, c'est pas Akirak. Akira. Mais comment tu le dis du coup? Le voyage de Chirac. Exactement. Ouais, exactement, crac crac. Bien joué. Le voyage de Chirac. J'espère Là, c'est plus Mitterrand, c'est une porte qui s'ouvre. J'ai justement ouvert la porte. Je voudrais bien voir Mitterrand qui chante du Julien Clerc, parce que je trouve qu'il y a un truc. Je le sais, ta façon d'être à moi, parfois vous déplaire. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Je me tiens au courant. Il est fan de la section. C'est de... Je suis une actrice. J'ai interprété Chouchou ou Loulou, on ne sait plus exactement. À la télévision. J'ai la réponse. Ah bah oui. Allez-y. Je vous la laisse. Allez-y, Monsieur Prévost. Ah bah Alexandra la Mitterrand. Très fort. Monsieur Mitterrand me fait signe que c'est ça. Monsieur Mitterrand me fait signe. Merci, okay. Monsieur Mitterrand de Monsieur Chirac de ne pas avoir le monopole des réponses. Les pommes. Bravo. Merci. Les pommes. Je suis un streamer. Un streamer. Chiracia. Chirac. Ah non. Quoi? Chiracia? Exactement, c'était Chiracia. Et si, Jiraya, ça marche. Elle marche. Elle marche. J'adore le gaming. Sylvain, tu connais le gaming normalement. Moi, j'espère que c'est l'amitié qui gagne à la fin parce que. J'adore le gaming. Crac crac. Ah, c'était pas ça? Si, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, monsieur Chirac. Non, c'est Mitterrand qui s'est endormi. Pas de problème, crac crac. Non, je suis là. Je suis juste en train de vérifier. Une information. Oui. Je suis un footballeur de l'équipe de France, championne du monde. Je suis défenseur. Mais je n'ai pas mis. Adil Mitterrand. Oh oui. Vous n'avez pas joué. Vous alliez dire, oui, dire ça. Ah putain, fort. Qui n'a pas joué. Fort, très fort. Ouais. Ah crac crac. Les pommes méritent Paris. Je suis une rappeuse. J'ai sorti un titre il n'y a pas longtemps. Shaim Chirac. Ouais. Non, Shaim sinon. Chirac. Avec Shaim. La rappeuse belge. Shaim Rack. Une rappeuse. Ah oui, Sheila. Comment on le dit du coup? Chirac. Je suis très mauvais à ça. Chirac. Ça fonctionne. J'en ai plus qu'un, je vous rassure. Enfin, Jacques Chirac. Jacques Chirac n'en a plus qu'un, je vous rassure. Je vous rassure. Ah, je suis. En fait, le problème, c'est que moi, ça peut être que ça 2 heures. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis désolé pour les auditeurs, mais c'est ce que je préfère au monde. Très chaud, mais je préfère ça à la queue. J'adore perdre, donc allons-y. Hein. Je suis un réalisateur canadien. Et c'est à peu près tout ce que je sais sur cette personne. Je vais. Pas très fan d'actu. Je porte un chapeau de cow-boy sur les photos. Ah, et j'ai réalisé Tree of Life. Terence. Terence Mal. Bah, oui, mais le but, c'est de ne pas dire seulement juste le nom de la personne. Ah, mais là, on le cherchait. On l'a. Terence Mick Terrence. Alors, c'est beaucoup plus. Mitterrance, mais du coup, c'est. Mitterrance Malick. François Mitterrance Malick. Ah oui, Sylvain, vous l'avez. François. J'étais plus sûr de son nom, donc. François Mitterrance Malick. J'adore. C'est merde. On peut partager ce. Non, je te le donne, j'ai merdé, j'ai juste dit le. On a dit le nom du gars. Je le méritais absolument. J'étais sur le nom de famille. Je suis un rappeur. Rappeur. Cheveux pas très propres, Je connais des tueurs que tu trouves adorables. Un ennemi mort, c'est la tranquillité. Un gosse, une crosse qui dépasse de l'anorak. Apprends que le respect passe de l'humilité, les pommes, Des tueurs que tu trouves adorables. Oh, Darvor, les pommes, Fils de pute. S.C.A. Chirac. S.C.A. Chirac, exactement. Bon, écoutez, on peut féliciter Monsieur Chirac et Monsieur Mitterrand encore un. Oh, est-ce que je peux me permettre d'en faire un avec votre nom, Monsieur Chirac? Il veut avoir le dernier. Monsieur Mitterrand va avoir le dernier mot. C'est toujours ça, leur histoire. Je vous en prie, vous n'avez pas le monopole de la France, Monsieur, alors, vous êtes. Puisque ça n'est. C'est avec votre nom, Monsieur Chirac. Eh, crac-crac. Vous êtes. L'ex de David Lafarge Pokémon. Miss Chirachia. Miss Chirachia. Miss Chirachi. Miss Chirachia. Miss Chirachi. Ah, crac-crac. J'adore les Pokémon. Crac-crac. Bon, écoutez, on peut remercier la François sauce. Mitterrand. Bravo, bravo à toi. On peut remercier François Mitterrand. Au revoir, Monsieur Mitterrand. Au revoir, Monsieur Chirac. Crac-crac, je repars. Mais vous êtes toujours là, oui. Ah oui. Oui, je m'en vais. Bonne soirée, Darvor. Crac-crac. Bon, on peut les remercier. Un plaisir. Écoutez, peut-être on invoquera d'autres personnes décédées. Incroyable. On aimera beaucoup. On va passer à la façon un petit peu la partie un petit peu plus sérieuse de l'émission parce qu'en fait j'ai annoncé. C'est là, hein. c'est sérieux. Ah putain, j'ai chaud mais j'ai adoré. On peut ouvrir la fenêtre, Aurélien, si jamais. Non mais j'adore avoir chaud. Les auditeurs ont posé des questions quand j'ai annoncé que vous veniez et donc du coup je me fais le messager pour vous les répéter. Mehdi, alors on commence avec une question sur ton acte. Alors tu as animé la sauce. Tout à fait le dire. Et quelqu'un veut savoir si tu continueras à animer une émission dans le même format à l'avenir. La réponse est un grand oui. Alors le même format, c'est à définir. Comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs toi je t'ai dit en antenne ce que Mais t'as vu, je répète pas. Hein, t'as vu. C'est ça que j'apprécie chez toi. voilà, mais oui, bien sûr, je vais réanimer une émission où je vais parler de rap, évidemment. Voilà, ce sera pas une quotidienne, je pense, parce que c'était trop. Épuisant, peut-être. Ouais, épuisant, et puis en fait, ça devient mécanique, et à la fin, tu traînes un peu la patte, mais bref, peu importe. Mais oui, pour répondre à cette question, en tout cas, de manière très concise, oui, évidemment, que je vais réanimer quelque chose dans ce style-là. Pour Sifkin. Oui. Quid de Becherel ta mère? Alors déjà, est-ce qu'on sait que c'est toi? Est-ce que on en a parlé, mais moins, parce que c'est, je trouve le truc moins marrant à faire maintenant, et puis j'ai d'autres occupations, donc je préfère faire des vidéos YouTube et des petits streams sur Twitch que ça, donc je suis un peu passé à autre chose, et oui, ça vit moins. L'orthographe, tu t'en bats un peu plus les couilles. Là, j'écris comme un enfant de 8 ans maintenant. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de Twitch, hein, parce que j'ai l'impression que c'était une nouvelle activité. Non, pas de Twitch en général, je connais. Twitch, c'est une plateforme. C'est Chirac ou toi qui parles? Non, là, c'est moi. le mec que t'as vu sur la canette de Red Bull. Ouais, non, voilà. Non, mais Chirac connaît le gaming. Mais non, mais est-ce que c'est une activité sur Twitch? Non, mais c'est vrai que je découvre un peu Twitch un peu à la ramasse, mais je suis très content parce que je vois que Twitch prend une place énorme en France. Et apparemment, c'est assez inédit d'ailleurs. Par rapport au monde entier, genre déjà les talk shows, ça se fait un peu que sur la France, apparemment. J'ai l'impression. Ouais, c'est un truc qui apparemment est vachement traînait depuis Dailymotion où ils avaient lancé ce genre de format en direct. Et du coup, c'est vachement repris sur Twitch, comme ce qu'on pouvait voir avec Domingo. On faisait sur Dailymotion à l'époque, tout à fait. Ouais, à l'ancienne. Précurseur, ouais. Paix à leur âme. Et, et ça va se développer encore à fond là sur Twitch. Ouais, j'ai l'impression. Les lives, les trucs, les machins. Ouais. Autre que du gaming. Même des, ouais, même du pod. Enfin, genre. Nous binge qui produisent nos fun, ils sont aussi en mode on va faire des trucs sur Twitch maintenant, genre c'est devenu un peu le truc, même ceux qui comprennent pas vraiment ce que c'est. T'as même Click qui a diffusé sur Twitch, tu vois, en vrai c'est. Ah, ça c'est assez fou, hein, ouais, ouais. Et moi qui suis pas la Twitch, je connais, tu vois. J'en ai une et tout, je joue à Mario Kart dessus et tout, donc je suis vraiment. C'est connu quoi. C'est une vanne sur la Switch, je sais pas si vous l'avez. Ok. Non mais du coup, ouais, je m'amuse un peu sur Twitch, tranquillement, humblement. Bon, tu fais bien. Quoi? Tu fais du gaming? Je fais du gaming, j'ai fait Zelda là, avec Nintendo. Oui, Link's Awakening. Okay. Je fais du Mario Maker, je suis très mauvais. D'accord. Tu les construis ou tu joues avec? Je joue. Ah, ok. Parce que j'aime beaucoup râler sur les niveaux des gens, tu vois, genre faire. Bien sûr. T'es nul. Bien sûr. Juste ça, le mec qui a fait le niveau. Et moi, je saurais pas faire ça, tu vois. Évidemment. Donc, c'est le principe de critiquer, hein, souvent. Oui, ouais, c'est le principe d'Internet, je crois. Oui, je suis en plein dedans. L'autoroute de ça. Et non, ouais, et on a regardé Love Story la dernière fois, le premier Prime. Ah oui, parce que j'ai récupéré les droits. Donc, ça m'appartient maintenant. Ah, c'est très rigolo que tu dis ça, parce qu'alors, à une époque, je voulais faire sur plusieurs émissions des débriefs de genre le premier numéro. Incroyable. Et tous les invités, je leur dis, vous rematez ce qu'ils sont sur YouTube, vous rematez le premier numéro de Love Story. C'est incroyable. Sur YouTube, ouais. Le premier et le dernier, je crois, un truc comme ça. Exactement. Et en gros, je voulais qu'on. C'est j'invite fou. Trois personnes, qui les matchent chacun de leur côté. Et un peu comme 2 heures de perdu, ensuite on commente l'émission et je mets des extraits et tout. Attends, et c'est assez rigolo. Le premier parce Prime que... en plus, c'est quand David il est parti et tout, juste avant là. Ouais, il y a que moi qui me rappelle. Non, c'est l'arrivée, c'est vraiment l'arrivée dans la maison. Ah oui, ok, avant ça commence. La première, c'est là où elle lâche une caisse. Elle dit je vais avoir le droit de péter. Et Benjamin Castaldi, je sais plus, c'est une des meufs. C'est Laure qui dit ça. Laure, la bourgeoise. Ou Kenza. Laure, c'était la bourgeoise. Et c'est l'étiquette qu'on lui a collée. Mais j'ai l'impression que. Non, attends, c'est vrai, je m'en veux. Je m'en veux pour souvenir. Moi, ce qui me fascine, c'est que vous avez l'air de mieux vous en souvenir que moi qui l'ai vu il y a une semaine. Vraiment, c'est. Non, mais en tout cas, c'était un concept. Ouais. Laure de l'âtre, c'était ça. Laure de l'âtre, bien sûr, l'animatrice, la remplaçante de Michael Youn au Morning Live. Oui, exactement. Et qui était passée sur. À l'époque, Teva, elle avait. Genre, tu sais, c'était fou quand même, parce que ce truc-là, genre, dès qu'ils quittaient le loft, ils avaient tous un job. Ouais, ils avaient un taf, tu vois. Elle était genre devenue animatrice sur Teva, je crois, à l'époque. Et il y en avait un, c'était sur Fabrice. Ouais. Qui était genre, et on se voyait qu'il était dégoûté parce que tout le monde avait des putains de trucs. Genre, tu vas jouer avec Vanda, mais lui, il était genre. Parce qu'il avait un truc avec le cirque ou je sais pas quoi. Il était genre dans une troupe de cirque. Ah, mais Fabrice, il était pas là dès le début du loft, c'était pas un vrai. C'est comme Ben dans Lost, il est arrivé en saison 2. Je le valide pas. Et, genre, moi, Fabrice, ben, et Fabrice, c'était genre, bah tu vas être jongleur. Ah, chez Bouglione, chez. Non, non, chez Maurice et Loïc. Dans la rue, tu te démerdes en fait. Il y avait une rumeur comme quoi Laure, justement, avait fait. À Fabrice. Ah ouais, ouais? Ouais, j'en avais entendu parler. Dans le loft? Ouais, dans le truc, il y avait une pièce où justement il n'y avait pas de caméra. La salle CSA. La salle CSA. Exactement. Et il paraît que, voilà, après, je veux pas porter de rumeurs, mais c'est. Voilà. Elle avait sucé Fabrice, quoi. Il l'avait dit. T'as dit ça et t'as fait une vanne antisémite tout à l'heure. Voilà, c'est pas moi, j'ai pas fait une vanne antisémite. Les gens qui font des lois en Allemagne sont antisémites, c'est pas de ma faute. Allez, Et en plus, tu stigmatises un peu. Bravo. C'est germanophobe. Bah, on trouvait pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, personne n'ose le dire. C'est ça. C'est un truc antisémite. Bon, bah, c'était pas ça. Il s'est sacrifié, d'accord. Aurélien. C'est limite. Pourquoi es-tu antisémite? Non. À quand le prochain Il fait tout noir? Et bah oui, tiens, ça fait longtemps, non? C'est vrai, ça, tiens. Parce que moi j'en ai un en stock, ouais, enfin, j'en ai toi, un que je dois tourner. On doit aller chez Audrey Pierrot. Exactement. Tous les deux. Ouais. Bah bientôt, en fait j'ai essayé de trouver des sponsors parce que faut que j'arrête de ne pas. Ah, mais oui, c'est mobile, vrai. Un petit jeu mobile peut-être. Ouais, ouais, bah ouais. La Shadow Legends. Ce qui est chiant avec les jeux mobiles, c'est qu'il faut. Non, c'est discret. T'as vu ma dernière, j'en ai fait avec un jeu mobile. Mais ce qui est chiant, c'est que tu sais pas à quel point ils envoient à tous les youtubeurs, tu sais, ton jeu. Bah, du coup, là, aussi, ouais. Et moi, ils m'envoient le truc du jeu vidéo avec des. Vous comprenez de quoi on parle, les internautes? Ah, ils adorent YouTube. Tu peux faire des petites pubs d'une minute où tu parles d'un jeu sous des noms en tête vidéo. C'est très long, une minute. Ouais, et après, tu parles d'autre chose. J'espère qu'ils t'ont vraiment rincé. Non, c'est moins bien payé que les autres partenariats, ces trucs-là. Est-ce que je peux rejoindre ta guilde dans le jeu ou pas? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Aurel 3000. Est-ce que je peux gagner de l'XP? Je comprends pas les vidéos, les gars. Est-ce qu'avec ton code, j'ai des coffres gratuits? Mais j'ai pas de code. On peut looter. Mais en tout cas, crac le gaming. Ce qui est chiant avec ces trucs là, c'est que du coup, tu sais pas à quel point ça va être dans toutes les vidéos. Et moi, je l'ai sorti à la dernière seconde de la date butoir. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Et du coup, soudainement, t'as l'opéra qui me dit, ah, je fais le truc Shadow Legends. Je fais putain. Je sais qu'ils l'ont envoyé à Freddy aussi, ils l'ont envoyé à Arthur Lalou aussi, et à tous d'autres. J'imagine plein de gens, vu le nombre de gens dans les commentaires. Mais maintenant, tu mènes la grande vie. Je te dis, je l'ai reçu. Bah, trop pas. Voilà, le nombre de gens dans les commentaires. Et puis, regarde, ah bah tiens, on connaissait pas ce jeu. Nous, on leur fait de la pub et on est même pas payé là. On a dit le nom du jeu, t'auras dit le bip. Le nom du jeu. Et ce qui est sûr, c'est que là, même on m'en propose d'autres et tu sais que le temps que tu le fasses, ça se trouve, il y aura 20 000 gars qui l'auront fait. Mais c'est peut-être pas plus mal de passer en dernier. Bah, je sais pas. Ah, ça va. Non, mais regarde NordVPN. Genre, ouais, mais c'est pas un jeu. C'est vrai, mais surtout, je vais dire un truc, Aurélien, tout le monde s'en branle maintenant qu'il y ait de la pub dans les vidéos. Ah, vous avez avancé ma pub, j'ai fait des blagues dedans. Ouais, non, j'ai regardé. Non, tu dis tout le monde s'en branle. Moi, j'ai pas écouté du tout. Non, moi, j'ai vu les blagues. J'ai vu les blagues. Bah, t'as laissé parce que t'es curieux de voir ce que j'ai fait. Non, moi, j'ai avancé. En vrai, j'ai avancé. J'ai avancé. Non, mais surtout, j'ai l'impression que les viewers, c'est dans leur ADN maintenant d'accepter qu'ils. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, je crois. Je crois beaucoup plus. Non, mais c'est. Tu parles à un mec qui a deux adblocks. C'est pas pour moi. Celle-ci, tu peux pas l'enlever, effectivement. Non, mais en soi, c'est pas trop mal parce qu'après, tu peux vraiment passer à autre chose. Ce qui est juste technique, c'est que quand ils te balancent ça, c'est genre c'est pour dans 15 jours. Donc tu sais, c'est vraiment pour les youtubeurs qui sortent des vidéos tout le temps et tu rajoutes ça dans ta vidéo. Moi j'en sors pas tout le temps et donc c'est un peu relou quoi. Et en plus, t'as vraiment des contraintes de il faut que ça dure tant de temps. Moi, c'était ma question. Il faut dire le nom du truc. Ouais, moi c'était. Il t'envoie un texte avec des trucs qu'il faut absolument dire, non? Ouais, à la base on parlait de il fait tout noir surtout. Des trucs à dire. Oui, non, mais c'est intéressant. Non, c'est intéressant, mais. T'as des trucs à dire et tu peux les dire. Tu peux les dire à ta sauce. J'autorise. Tu peux les dire à ta sauce. C'est tout. D'accord. Ça, et après, je pense que tu peux tenter de pas tout dire, et je pense que ça passe. Moi, j'ai tenté de pas tout dire, et c'est passé par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Ballsy. Donc, le prochain, il fait tout noir. Bah ouais, là, je cherchais un peu des. Déjà, j'ai pris une petite pause. Ouais. Et après, je cherchais un peu des moyens de rentabiliser un peu le truc, que ça me coûte plus d'argent, ou que je puisse. Voilà, que ne pas me dire putain, quand je fais mes vidéos, je fais pas autre chose, et du coup, comment je vais manger tout bien ça. Sûr. J'exagère parce que je mange très bien, je suis très très gros. Mais, pas du tout. Mais du coup, ouais, faut que je m'y remette. J'ai perdu là. D'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'ai perdu. Faut que je m'y remette, donc j'espère. Faut que je me motive à en tourner un dans le mois là. Mais surtout que le dernier à Tonkar, c'était McFly et Carlito Pev, donc ça. C'est pas très sympa pour l'opéra, mais. Ah, il y a eu Pérave après, ouais, ah, pardon, mais il a bien marché aussi. Il a très bien marché. Non, aussi, non, ouais. Les gens kiffent ce format. Ouais, le Pérave, il était cool aussi. Non, non, pardon, j'ai le syndrome la main fâchée. Les deux derniers étaient très bien, du coup là, je suis dans la merde. Faut que je fasse faut que j'aille chez la meuf fâchée, je pense. Moi, je leur ai donné une vidéo de Motus après ça. Je me suis dit, c'est genre. Est-ce que ça vous intéresse après une grosse enquête? Et, de plutôt, voir et les... plutôt, oui, j'ai l'impression en plus. Bah, j'avais peur. Et du coup, non, mais ouais. Fait, okay, pour répondre à la question, je vais me motiver à en faire un dans le mois. Donc, ça veut pas dire qu'il va sortir dans le mois, mais non, qu'il va sortir. Au moins, il va tourner. Ah, d'ici un mois et demi, il y en aura un, ça veut dire. Mehdi, oui. Quelle somme. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui écoutent No Fun. Moi, je sais de quoi ça parle. Quelle somme d'argent faut-il donner pour libérer le Dark No Fun? Est-ce que tu peux dire ce qu'est le Dark No Fun? Oui. Alors en fait, pardon. On a eu la chance en tant que No Fun d'être invité à pas mal de festivals depuis l'été dernier, à peu près. Et donc, dans le premier déplacement qu'on a vraiment fait, c'était à Garo Rock, dans le sud-ouest. Bien sûr. Et donc, tu y étais ? Il faisait chaud. En 2018 ? Ouais, et ils ont annulé le dimanche. Exactement. Parce que. Tempête, orage, exactement. Temps, on est passé direct au lundi, quoi. Ils ont annulé le dimanche. Ouais, pourquoi pas ? Non, genre, ça fait samedi, moi, minuit, moi, bam, dimanche, lundi. Non, ouais, il veut minuit. Savoir si on a la vanne, là. Non, mais moi, je l'ai. Attendez. Samedi, minuit. Faut dire que t'as fait deux podcasts. Minuit, une, direct. Ça suffit. En fait, t'as fait deux podcasts d'affilée aussi. Ah, ouais, c'est vrai, j'étais un autre podcast. Et non, mais une fois, en fait, on faisait des émissions quotidiennes et un jour, on rentre un peu bourré. Allez. Pas le dimanche, je pense, parce qu'ils l'ont annulé. Non, c'était le samedi, absolument. Tu as tout à fait. Ce que tu dis est exact. C'est assez impressionnant. Je te coupe plus. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Et d'ailleurs, c'est pas bien parce qu'on était bourrés, on avait pris la voiture d'ailleurs. Ouais, ça, c'est mal. En revanche, autant les gamins buvaient, on ne prenait pas la voiture. Ça, non, je ça, vous en conjure. Cool. Et bref, et du coup, on a fait le truc qu'on trouvait super cool sur le coup. Eh, venez, on branche les micros et on fait un podcast bourré. En fait, c'est le Floatcast. Hein. C'est juste que nous. Ouais, c'est ça. Non, nous, on était à jeun sur Chirac, évidemment. On n'était pas du tout bourrés. Et non, voilà. C'est juste ça, et effectivement, après on a parlé parce que moi à la base je voulais le sortir, et après en le réécoutant, c'est quand même un peu chaud. Parce que vous parlez d'actu de rap, donc potentiellement absolument ça name drop, non? Non, vraiment non. Ah, non, c'est même on parle ça de nos premières fois, c'est dégueulasse. Ah, ok, pardon, vraiment, ah, c'est vraiment le podcast. Ah, ouais, c'est vraiment le, okay, c'est pas du tout woke ou quoi. Ah, okay. Donc, non, du coup, voilà, c'est ça. Donc, en fait, on le sortira jamais, je pense, c'est mieux pour tout le monde. C'était rigolo, et d'ailleurs, je l'ai réécouté il y a pas très longtemps pour la première. Enfin, je l'ai écouté parce que je l'avais jamais écouté en entier, et c'est assez drôle, tu vois. Mais on le sortira pas, je pense. Sortez-le le dimanche qui a été annulé. Ça l'a marqué. Hein. Non, mais bon, c'est son actu. Sylvain, comment t'es venu l'envie de faire des enquêtes comme celle que tu fais sur ta chaîne? Est-ce qu'il y en a une en préparation? Moi, je sais, je peux répondre. Vas-y. Je t'en prie, vas-y. Bah, en fait, la première fois, c'est parce qu'il s'est fait harceler par un mec. Et du coup, il a voulu trouver qui c'était le gars. Et il a pris goût à l'enquête numérique comme ça. C'est vrai ça? C'est ce que je pense. Non mais oui, c'est ça. En gros, il y avait une histoire d'un mec qui nous emmerdait avec un pote et on galérait à le retrouver. On l'a sur une page Facebook, c'est ça? Exactement. Ouais. Sur ma chaîne. Je regarde. C'est ça. Et du coup, en fait, cette histoire, j'aimais bien la raconter aux gens. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on va peut-être en faire une vidéo, ça peut être sympa. Et c'est un peu. La vidéo a très bien marché, c'est ce qui a lancé l'envie parce que les gens voulaient voir ça. Moi, je me suis dit, bah, ça tombe bien, j'aime bien faire ça. On doit pouvoir s'arranger. Putain, merci au mec qui t'a harcelé, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Merci avec un peu de recul. Grâce à lui, beaucoup de thunes. Hein. Ouais. Attends de voir les placements de produits. Mais tu connais Red Shadow Legends? Ouais, ouais. T'as un VPN ou pas? Bah, attends, je rejoins la guilde. Et du coup, ouais, non, y a le truc me plaît beaucoup. Et puis j'aime bien parce que du coup, ça permet aussi d'aller sur des sujets. En général, je suis sur les sujets web, mais j'ai pu faire aussi un truc sur le plagiat dans la presse, magazine. C'est super celui-là. T'as rencontré genre le patron et tout. Ouais. C'est assez mais ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais vraiment. Je lui ai envoyé un mail pour une demande d'interview. Genre, c'est un peu le truc qui te lave les mains, c'est de dire ah, il a pas voulu répondre à nos questions, ouais, donc ouais. On est tranquille. Et là, je lui envoie un mail, il répond pas, je le renvoie par politesse et puis pour me dire vraiment, je suis clean. Il fait ok, quand? J'ai fait merde. Vous êtes sûr? Genre. C'est génial. Et du coup, j'y suis allé, machin. Le mec t'avais était cool, le trac ou pas? Bah, c'est bizarre, tu vois, parce ouais. que t'arrives, il avait des questions, tu vois, donc il savait que ça allait mal se passer. Enfin, c'est genre, j'arrive, je fais bonjour, bah, c'est sympa chez vous, au bureau et tout, là, on est bien. Et t'arrives, tu fais bon, alors, vous copiez-collez des trucs, vous les imprimez, c'est pas quoi. C'est genre, et c'est très bizarre. Ouais. Ouais. Mais c'est une des vidéos que j'ai préféré faire. Et voilà, du coup, on va essayer de continuer, parce que maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide un petit peu dans les enquêtes. Et Élise ouais, Lucet. Une débutante. C'est là où je suis un ringard, j'allais dire Carl Zéro. Très à l'ancienne. Ok. Et voilà. Et là, ouais, il y a des sujets en préparation, effectivement. Et puis, il y a des trucs aussi où je vais essayer de changer un peu de format et pas faire que des enquêtes parce que, mine de rien, c'est super dur de trouver un sujet intéressant. Tu vois, il y a le truc de Skyline Airways, je sais pas si vous avez vu, avec Cyril Hanouna et TPMP, une fausse compagnie aérienne. Absolument, ouais. Et j'ai vu le truc passer au tout début. C'est Hanouna, il a dit qu'il pilotait des avions. Bah en fait c'est du fake. Oh mais petit côté. Je fais ce que je peux. Non mais j'aime bien, tu t'es dit bon il y a de l'imitation dans l'air, j'ai envie de rentrer. J'ai pas vu d'imitation, ouais, j'ai juste vu des gens morts parler. Faut éviter bon. Des voilà. Nous on déchire quoi. c'est ça quoi, c'est à dire qu'on est vraiment des kings à ce niveau. Bon bref, excusez-moi, je ferai plus ça. Et non tu vois, genre c'est un sujet qui est super intéressant. Après le truc c'est que c'est pas moi qui l'ai trouvé, les mecs ont déjà poncé le truc et c'est déjà ouais. sorti tu vois. Ouais. C'est un peu ça compliqué vite, de. Ouais ça va très très vite. Donc j'essaie de trouver mes propres sujets ou qu'on m'en envoie tu vois et trouver des trucs, mais c'est dur de trouver ce genre de sujet. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, bah t'inquiète. Mais les gens, tu es invité, les gens posent des questions. Ok, bon, moi je suis né en 4. Je vous invite à la télévision. Mais t'aimes bien faire ça et t'es très fort aussi parce que l'enquête là m'a fâché. Enfin, merci. Faut vraiment s'y connaître en internet et tout, c'est super malin. Ah, c'est un geek, hein, attention. Genre avoir la fibre et tout. Non, mais tu sais que c'est des trucs. Enfin, l'a priori qu'on a sur genre la police, c'est qu'il serait infoutu de faire la moitié de ce que tu fais, tu vois. En fait, qu'est-ce que tu dénonces, Aurélien? Non, mais vous l'avez vu la vidéo de la police. Vous voyez ce que je veux dire? Retrouver un mail via des trucs de bout de mail de parce que c'est en même temps ils ont non. pas que ça enfin, Adrien c'est con mais ils te le disent eux-mêmes, ils ont pas que ça à faire. Tu crois que toi la vie c'est une série télé toi? Non mais les keufs en plus ils doivent avoir des moyens d'accéder les plus rapidement. T'as dit les keufs déjà. Mais je viens de la rue en fait. pour accéder aux données de façon plus immédiate quoi. Non, Sylvain est plus fort je pense. Je dis pas le contraire. Au lieu de vous quereller, il y a une question qui vous concerne tous les deux, Adrien et Aurélien, les deux A en 1. Pourquoi vos prénoms ça se ressemble? Et on t'appelait Aurélien et l'autre on t'appelait Adrien. Moi on m'appelait plus Adrien qu'on t'appelait Aurélien, ok? Non. Le clash nul. Oui, donc la question c'est pouvez-vous nous parler de votre rencontre? Est-ce que ça s'est fait directement sur un très vieux sketch d'internet? Alors déjà, est-ce que tu peux parler de ce très vieux sketch d'internet, Aurélie? Est-ce qu'on peut, si on doit parler de notre rencontre, quelle année, il faut remonter à pourquoi on s'est retrouvé dans la même pièce un jour quoi. C'est ça, mais la première fois qu'on s'est retrouvé sur une pièce c'était pour tourner du coup c'était... Non, non, à la base c'est parce que j'ai l'impression d'animer les amours. Ton frère sortait avec une amie à moi. C'est ça, mais la première fois qu'on s'est vu c'était pas pour un tournage. Non, non. C'était pourquoi? C'était genre on était avec des amis chez elle. Ah oui. Et toi t'étais arrivé avec ta meuf de l'époque. Enfin il y avait ton frère qui était là du coup. Au Vésiné le Pec. Possible ouais. Et toi t'étais arrivé et tout. Ta meuf qui était demi clavane. T'étais un peu José pour moi. T'étais rentré genre t'es le mec cool et José tout. José de Hélène les garçons. Ah, bah oui. Ah, c'est pour toi. Ça. Et tu avais vu le cintre. Et oui à voilà. C'est ça. Alors est-ce qu'on peut. Ouais, alors moi j'avais un collectif avec Sid mon meilleur pote et Nico mon frère. Et on s'appelait les gars en t-shirt. Et on quelle année demandait Médis? C'est une bonne idée. Oui, j'aimerais qu'on date. T'as dû voir ça en 2005, je pense. Parce que sa vie, normalement, s'est arrêtée avant les années 2000. Donc ça, c'est mon actu, je la suis, celle-là. Et on avait un collectif qui s'appelait les gars en t-shirt. Du coup, on faisait du court-métrage à l'époque où Dailymotion et YouTube n'existaient pas. Et Du coup, ça passait dans les films faits à la maison. Ça passait dans les films faits à la maison, c'est ça. Ou du festival, ou voilà. Mais la motivation était... Enfin, Le Sainte, c'était un film d'étudiant à la base, etc. Bon, bref. Et... Tu veux ? Ah mais non, en fait, je suis malade. Je voulais prendre une gorgée, mais je suis malade. Ouais, donc laisse tomber. Il y en a une là. Non, mais je vais pas la boire. Et du coup, mon frère, effectivement, sa copine connaissait Adrien de l'école et tout ça, c'est ça, non ? Vous étiez amis depuis un petit moment ? Moi, c'est pas mon actus. Bon, ça. C'est peut-être peu. Non, mais c'est un ami d'amis. Voilà, je vous invite à enchaîner. Et mon frère m'avait dit, ce mec j'ai est marrant. J'ai une seule question, je vais l'amortir, je peux te dire. Mon frère m'avait dit, ce mec est marrant. Il a kiffé Le Cintre, le court-métrage qu'on avait fait. Et comme on tournait encore d'autres trucs et tout, il m'avait dit, je pense que ça serait marrant de le faire venir et qu'il serait très marrant dans des vidéos. Ce qu'Adrien à l'époque ne se disait pas lui-même. Non, mais ou moi. Peut-être que tu le disais au fond de toi. En fait, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un blog BD, ouais. Mais j'avais fait une toute petite vidéo. Je sais pas si tu te souviens. Parce que moi, vous m'aviez dit que c'était à cause de ça que vous m'aviez appelé. Ah. C'était que moi, j'avais fait une toute petite vidéo sur mon blog où, en gros, je disais bon, bah, bonne année tout le monde. Je faisais un truc un peu mielleux. Et il y avait moi, donc mon double qui arrivait et qui me mettait un coup de. Bon, c'était un manche à balai dans la tête et qui m'assommait. Il y avait un petit des effix, quoi, tu vois. Et ça vous avait fait marrer. Très bien, effectivement. Dit, ouais. Bah, il est marrant, il avait fait ça, voilà. Et du coup, voilà, on avait tourné une petite pastille avec toi. Cut, je me pose ma bite sur ton épaule, debout dans une baignoire. C'est ça. Franche camaraderie. Alors, ça et voilà, et du coup, Adrien est venu jouer. Vous pouvez le trouver, c'est sur Dailymotion. La première fois qu'il est venu jouer avec nous, c'était dans un truc qui s'appelle Le Porte-Manteau. Oui. Qui était à la base une vignette de présentation d'un autre court-métrage dans les films faits à la maison, machin. Et ensuite, le premier vrai truc vraiment marquant et vraiment marrant, c'est dans un autre truc qui s'appelle Les films faits chez Kubrick. Donc, c'était dans l'émission Les films faits à la maison. Et c'était un court-métrage qui est très cool. C'est pas moi, je l'ai pas fait tout seul, sinon je dirais pas non, ça. Mais oui. Où c'était genre, imaginez que Stanley Kubrick essayait de faire les mêmes films qu'il faisait à l'époque, mais en 2000, avec une caméra DV, avec ses potes dans son jardin, et avec ce fameux concept et de potes qui sont pas hyper motivés, qui sont motivés 5 minutes et qui ont envie de faire autre chose, tout ça. Voilà. Et du coup, Adrien jouait Jack Nicholson, Jack Torrance dans Shining, et du coup, avait un monologue à la Jack Nicholson, mais en mode Kyra, il jouait une espèce de. Vous avez vu Kyra. Qu'ils vont refaire Shining ? Non. Ah ouais ? Et c'est Aurélien qui réalise. Non, c'est fou. C'est avec Evan McGregor. Oui, sérieusement, c'est une autre version de Shining en fait. Mais je crois qu'il y a des refs au film de Kubrick. Ouais, j'ai vu la bande annonce. C'est un peu le 2. J'imagine. C'est un peu le 2, je crois. Sans l'aide. Et voilà, et pour finir. Pardon, excuse-moi. Et du coup, voilà, vous allez voir ça sur Dailymotion. Les films faits chez Kubrick. Vous verrez Adrien très marrant en 2005-2006. Si, c'est très marrant le truc de Shining, mon gars. Oui. Peut-être demain, quand tu casses l'ordi et tout là. C'est que sur Dailymotion, pas sur YouTube. C'est que sur Dailymotion, ouais. Et puis il y a le fameux film perdu qui n'est jamais sorti, ouais. C'est le truc où t'as mis ta queue sur mon épaule, ouais. C'est, et ça c'était dans les coulisses, hein. Ouais, c'était dans les rushs. Il y a une c'est photo comme le Dark No Fun en fait. C'est jamais sorti. C'est un truc de bite sur les épaules, je donc, vois. Donc c'était filmé. Okay, non, c'était pas filmé. Il y avait une photo. C'était filmé, mais c'est pas dans le montage vu qu'il n'y a pas de montage. Mais c'était très drôle parce que je jouais le fantôme à la comment c'est Darkwater non, un truc. C'était un mais à la quéquette tordue. Non mais Darkwater. Il disait c'est le fantôme de mon cousin. Je lui dois 15 francs, c'est ça ? Il est mort en me devant 15 francs. Non, je lui devais. Il est mort, je lui devais 15 francs. Voilà. Et du coup, il sort d'une baignoire. Et il faisait 15 horrible francs. Avec un 15 petit francs. Un sac à dos d'enfant. C'était également 15 francs. Ouais, voilà. Eh ben, ça ne sortira jamais, ils ont perdu les rushs. C'est le Lost in Amman. Enfin, le Don Quichotte. C'est ça. Voilà. Mehdi. Oui, je vais répondre aussi. Comment t'as rencontré Adrien ? Quelle est selon toi ta meilleure interview dans La Sauce ? Dans La Sauce, waouh. Bon, en général, moi j'ai envie d'ouvrir cette question. J'ai envie d'ouvrir cette question. Celle dont t'es le plus content, dont t'es le plus fier. En fait, c'est trop dur. Sans faire, c'est pas que j'en ai fait 36 000 bonnes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est mais il y en a eu beaucoup déjà. Qu'il y en a eu tellement que c'est compliqué. Mais en fait, du coup, je dis souvent des trucs récents. Et en fait, une récente que j'ai beaucoup apprécié faire, et je vais la dire, ça va parler à tout le monde ici. C'est Jérémy Châtelain. Waouh! Ouais. Producteur musical maintenant. Exactement, ouais. Et donc, il était dans la Starac 2. Sous le nom de Rick Ross maintenant. C'est ça. Et en fait, ouais, je l'ai reçu récemment. En fait, c'était assez cool parce que, genre, il voulait faire La Sauce. Parce que je pense qu'il voyait qu'on parlait de rap, mais que, enfin, je sais pas, il avait envie de faire cette émission-là. Et on a vraiment fait une bête interview, je pense. Et surtout, il a un parcours complètement fou. Parce que le mec a fait la Starac à 17 ans. Il a joué Commissaire Valence avec Bernard Tapie. Bien sûr. N'oublions pas ça. Bien sûr. Il a produit aussi bien pour Oxmo que pour. Enfin, tu vois, il a vraiment une carrière assez cool. Et plus, il a fait des prods de rap avec Cordes. Enfin, je veux dire, il est à la fois vraiment dans le rap, en même temps, pas trop non plus. En même temps, il comprend complètement tout ce qui se passe dans la musique actuelle. Il a à un moment été proche d'être banger. Enfin, tu vois, il a fait de la télé avec Roselyne Bachelot. Tu vois, genre, en fait, vie. Ouais, non, mais en vrai, finalement, sur ses 15-20 ans d'existence publique. Ah, ouais. La carrière est assez folle. Ouais. Et le mec, en plus, a un truc extrêmement sympathique. Et que t'as envie de passer du temps avec lui. Il raconte très bien. Il est les bon trucs. Client. Ouais, il est, c'est un super storyteller. Donc, je veux pas dire que c'est ma meilleure interview. Parce que, mais en tout cas, là, récemment, c'est un truc qu'on a fait genre en fin de saison dernière, genre en juin. Et c'était cool, quoi. Et le mec est vraiment passionnant et vraiment. Ouais, enfin, il est mortel. Donc, c'est une vraie rencontre. Et t'en as une, sachant que tout est censurable, une plus dure, une que ouais, t'as. En fait. Les plus durs, c'est généralement avec les jeunes artistes, souvent, qui en fait sont pas prêts. Parce que, c'est un exercice qui est pas évident, l'interview, tu vois, certes, là. Surtout que vois... c'est pas juste une petite interview de 20 minutes, c'est ça voilà, dure. Généralement, nous, voilà. C'est vrai que j'aime bien les formats un peu longs. Ah, moi j'adore, donc, mais c'est vrai que non, mais nous, c'est voilà, un exercice. Exactement. Ouais. Et si t'es pas prêt à te raconter, si t'as pas forcément de recul sur ta musique, ce qui est pas grave quand t'as genre 18 ans et que tu fais de la musique comme ça, c'est pas grave. De... Mais du coup. Moi, souvent, c'est ce que je reproche aux attachés de presse, c'est les attachés de presse cochent des cases. Donc, on doit l'envoyer là, on doit l'envoyer là, etc. Et en fait, t'as des formats qui sont pas bons pour tous les artistes. Et donc, ouais, je peux citer Oh Boy, qui est un artiste que j'aime beaucoup en plus, mais l'interview avec lui a été catastrophique parce qu'il avait pas envie d'être là, il avait pas envie de parler, et que moi, très rapidement, je me suis un peu essoufflé, et genre, j'avais envie que ça se finisse. Tu vois. Donc, quand tu sens que la personne en face a pas vraiment envie de jouer le jeu, c'est même pas de la méchanceté, c'est juste. Qu'elle est pas à l'aise, ouais. Et t'as beau tout faire, tu t'accroches aux branches, tu vois, pour essayer de la mettre à l'aise, mais ça fonctionne pas, bah ça c'est dur. Donc c'est plus ça. Après, t'as parfois des interviews qui se déroulent plus mal, mais c'est pas grave, tant qu'il y a un vrai moment, tant que. Mais quand la personne a juste comprend pas forcément ce qu'elle fait là, et c'est parfois le cas sur des jeunes artistes. Mais même ici, hein, c'est arrivé, gens pas forcément réactifs. Exactement, ou, tu vois, et c'est ça le plus dur, je pense. Même si la personne n'est pas forcément sympa, tant qu'elle te raconte un truc, en fait c'est cool, et tu peux remplir ton travail. Quand la personne a juste pas envie d'être là ou qu'elle comprend même pas pourquoi elle est là, ce qui est parfois le cas vraiment avec des jeunes artistes, bah là c'est raté quoi. Donc voilà, donc là je dirais Oh Boy, ce qui est un peu relou parce que je l'aime beaucoup, mais ouais, c'est un assez mauvais souvenir d'interview. Bon, franchement, on va couper de toute façon. Hein. Ouais. On peut la garder. Aurélien, comptes-tu. J'ai beaucoup aimé, je mets pas, il y a souvent des compliments, hein. Les gens vous adorent, hein, je tiens à vous le dire. C'est vrai. Et quelqu'un qui a beaucoup aimé la fin de ta nouvelle vidéo, en tout cas de toute la partie impro avec Simon Astier, et qui demande si tu as. Hein? Là, spoiler pas, je l'ai pardon, pas. Pardon. Bah, je vais spoiler. Hein. Non, mais en tout cas, la question était est-ce que tu as envie de te diriger vers la fiction ou est-ce que tu aimes bien ce format parfois un peu hybride, comme tu peux le faire régulièrement, où tu triches un petit peu, où tu penses que c'est une vidéo YouTube, mais en fait tu personnalises un peu. Ou est-ce que peut-être ce que tu pouvais faire parfois avec les messages ou avec même les gars en t-shirt, faire des trucs purement fiction sur ta chaîne, ça t'intéresse? Est-ce que ça pourrait t'exciter? Bah, purement fiction sur ma chaîne, ouais, enfin je le fais même des fois, mais c'est vrai que c'est toujours avec une forme. Face cam, voilà, c'est forme face cam et vlog. Juste du sketch, pur sketch, sans s'adresser à la caméra et tout. Ça coûte trop cher et tout ça, enfin tu vois, c'est tout un autre délire quoi. Puis là, ce qui est marrant sur YouTube, c'est que je peux justement utiliser les codes narratifs de YouTube, c'est-à-dire le face cam, le vlog, pour raconter des histoires hyper facilement, mais tout en pouvant partir dans la fiction. Donc c'est trop pratique quoi. Donc sur ma chaîne, je pense que je resterai sur ce créneau là quoi. Non, puis c'est la suite logique de quand les nuls ou les inconnus parodient la télé. C'est normal que la génération d'aujourd'hui parodie les formats internet, les trucs comme ça. Moi je trouve ça charmé. Mais en y mettant de moi dedans, parce que je sais que sinon ça met trop une distance avec les gens. Mais McFly et Carlito faisaient ça aussi. Ils le font plus du tout d'ailleurs. Mais à une époque, ils faisaient ça. Moi j'adorais quand ils faisaient ça. Quand ils faisaient des faux jokes de papa ou Instagram dirige notre vie et tout. C'était ouais, j'aimais bien aussi ces formats là. Je me permets, tu dis que les sketchs coûtent de l'argent, t'as quand même fait du lab, donc j'aimerais que tu te rendes compte que. Bah ouais, mais tu sais, même là, le dernier sketch, je veux pas te spoiler, mais à la fin, j'ai un petit truc avec Simon Astier et tout. Et du coup, bah tu sais, je voulais faire un peu de multicam, je voulais être bien, donc tu vas louer une caméra, tu vas louer un micro, et rien que ça, déjà, ça me saoule quoi. Non, mais la pub, du coup, t'es riche maintenant, non? Bah j'aimerais bien. J'ai compris, moi. J'aimerais bien, mais c'est. J'ai rejoint ta guilde dans le doute. Je propose que tu dises là à l'antenne. Combien t'as touché? Non, je propose moi que t'ailles checker ton compte courant, que tu le dises. J'ai rien. En plus, j'ai fait 3 OP pour l'instant. Combien t'as touché et combien t'as sur ton compte? Écoute, tu dis les deux. Il n'est pas Elise. J'ai encore rien touché. Il est François Mitterrand. Jamais. Répondez. Mais bon, bref, du coup, ouais, de la fiction, j'aime bien ça. Mélanger le. J'aime bien un peu noyer le poisson. Tu sais, genre, tu te dis, ah, c'est fiction, c'est pas fiction. Quand est-ce que ça va partir en couille et tout? Mais j'aime bien aussi faire de la vidéo toute simple, juste à la cool, sans que ça parte forcément. Faut que j'arrive à faire des trucs simples, parce que sinon, après, je sais que je vais me. Si je fais des trucs trop compliqués, ça va me saouler, je vais arrêter. Donc, je veille à toujours sortir des trucs tranquilles. Mais j'y arrive pas trop, mais j'essaye. Et quelqu'un qui demande, est-ce qu'un jour tu pourrais imaginer un Il fait tout noir chez des abonnés? Bah, c'est particulier parce que si t'arrives chez un mec et qu'il est pas à l'aise, on revient à ce qu'on disait avec Mehdi. C'est toujours la fausse bonne idée parfois, le truc des abonnés. Bah, on me le dit souvent et tout, et je trouve ça hyper bon esprit. Mais en même temps, le mec, il est là, les yeux bandés, il sait pas ce qui se passe. Il a... On le tabasse. Un l'opérave, il a peur que je fasse des conneries, tu vois. Bon, ça va. Mais un abonné, il sait. Ouais. Ouais. Bon, si, s'ils étaient marrants, ils seraient connus, quoi. Non, mais je te pose la question. Je rigole. Je te pose la question parce que ça Ouais, bah, on me demande souvent. Non, mais parce tout, que moi, on me le demande aussi. C'est-à-dire que des fois, on me dit, ah, ce serait trop bien, Floodcast avec des abonnés. Et alors, nous, on a le format téléphonique qu'on fait parfois. Qui est bien parce que du coup il n'y a pas trop de ça engage à rien en fait, c'est à dire qu'on appelle des abonnés et si jamais ils sont pas très bons clients on le coupe et on n'a pas organisé tout un dos où ils viennent chez moi par exemple. Donc c'est pour ça que nous aussi on fait pas des floodcasts notamment avec... les gens qui ils appellent et on fait salut et ils font ouais. Ils disent, ils ont rien à dire du tout. Non, non, mais, fait... mais je comprends, ah vois, bah truc... c'est juste le kiff d'appeler puis, mais en fait ils avaient rien à dire du tout, ils font genre bon bah voilà on fait ah ok bah salut. Et c'est pas grave, tu vois, mais effectivement, par exemple, dans les chaînes de radio de Skyrock et compagnie, il y a Diffoul. Diffoul, il y a, comment on appelle ça, il y a une standardiste. Donc en fait, déjà, c'est trié sur les bons clients, mauvais clients, tu vois lesquels sont bons ou pas. Et c'est pour ça que nous, moi, je me vois pas faire des floodcasts où j'inviterais des auditeurs, même si on a des super auditeurs, par exemple, sur le Discord. Je vous invite à suivre le Discord, c'est dans la description. C'est pas un truc que je sentirais comme ça. Mais ça peut être charmé, mais c'est casse-gueule en fait. En fait, c'est un peu vraiment une roulette russe. C'est-à-dire que ça peut être le meilleur truc. Par exemple, McFly et Carlito, ils ont fait un live là, un morning, je parle que de Fake Carlito, et ils ont reçu un abonné et il était chambé, c'était super, mais c'est une prise de risque que moi je me vois pas prendre. Oui, mais est-ce qu'il y avait une prise de risque ou c'était pas un mec pris au hasard? Je sais pas, je c'était crois Michael que Youn quand même. Si tu veux. Non, mais s'il était pas hyper marrant, ils en auraient fait quelque chose, c'était juste un passage. Mais moi, par exemple, il l'aurait humilié, je pense. Le mec était vraiment marrant. Il l'aurait humilié, tu vois, enfin, il aurait fait un truc pour que je sois marrant, quoi. À la fin, en disant que, en fait, c'est qu'il faut pas humilier. Ouais, voilà. Non, mais en tout cas. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un truc. En plus, c'est un vrai exercice d'animateur aussi que moi, je me sens pas du tout faire. Et puis là, moi, j'arrive chez quelqu'un, je lui demande de se bander les yeux et je fais des potentiellement des conneries chez lui. Mais des DVD, tu vois, donc même ce que je pourrais venir avec un mec du game un peu marrant pour au cas où le gars est pas forcément hyper à l'aise, mais du coup, ça pourrait vite tourner au foutage de gueule du gars, quoi. Tu vois, c'est un truc un peu. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup le faire sur Rap Jeu, mais c'est pareil. Je me pose la question, en fait, effectivement, parce que ce serait chambé un Rap Jeu avec des abonnés qui sont fans du truc, qui sont des vrais passionnés, mais. C'est aussi un truc où il faut qu'on se marre un peu, où il faut qu'il y ait du rythme. Parfois, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est un exercice. Hein, tu c'est vois. Même des rappeurs, parfois, sont pas bons dans le truc. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est en même temps hyper bon esprit, mais en même temps, c'est pas forcément cool pour eux non plus. Exactement. En fait. Tu peux t'afficher, en fait. Tu vois, et ça peut te poursuivre, en fait, si le truc marche un peu. Donc, c'est à double tranchant. Bah, c'est le Burger Quiz. On se dit toujours, bon, bah, effectivement, les mecs sont marrants, mais pas forcément les invités, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est difficile d'exister entre deux personnes qui font des blagues très fort. Exactement. C'est un peu. D'ailleurs, je vous invite. Alors pour vous montrer à quel point c'est difficile parfois, il y a une vieille vidéo de Burger Quiz où il y a Florence Foresti en invité, mais en invité de personne normale, une joueuse, quoi. Ah ouais. Et en fait, elle a raconté plus tard que en fait, c'est quand même si c'était un jeu Burger Quiz, ils allaient chercher dans les trucs de casting pour essayer de trouver des gens un peu à l'aise. Okay. Et Foresti, vu qu'elle était un peu comédienne même, elle avait encore jamais fait de spectacle et tout, mais bon, elle s'orientait vers ça, quoi. Donc elle faisait des castings et c'est pour ça qu'ils l'avaient choisi. Donc même Burger Quiz, ils prennent quand même des gens un peu à l'aise, quoi. Voilà. Même Motus. C'est-à-dire. Bah, c'est que pendant. T'as fait Motus. J'ai fait Motus deux fois. j'ai fait trois émissions de Motus en tout. Tu peux enlever quand même un peu cette tonne de fierté que t'as dans la voix. C'est stylé, mais bon. Pas à ce point. Si, ça va pas ou quoi. Pas à ce point. Respect éternel. Mais mon frère a fait Motus aussi. Donc, oui, il est venu avec moi au dernier. Arrête. Je l'ai emmené là. Le petit gars là. Alors il était tout fier, des étoiles dans les yeux. Il est reparti avec un synthé là. Il est reparti avec le synthé de Motus. Oui, il est reparti avec le synthé de Motus. Ils ont filé le synthé de Motus à mon frère. Pour le faire. Oh. Il a tous les trucs, la boule noire et tout, hein, il a tout. Non. Bah ouais. Mais respect de ouf. Et non, du coup, par contre, aux sélections, effectivement, ils nous disaient souvent. Enfin, t'avais la partie où tu devais te présenter et ils avaient des brutes épaisses qui vraiment déglinguaient tout à Motus. Genre, c'est un jeu, si t'es bon, t'es bon. Les brutes épaisses de Motus, c'est des vieilles. On peut. Je crois que c'était un mec genre Quinca, tu vois, dans ce jeu-là. Mais sauf qu'il était chiant comme la pluie, du coup, ils l'ont jamais appelé, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est alors que le mec est bon, tu vois, et que. Alors que nous, on n'était pas très bons. Mais voilà, on foutait l'ambiance. Vous avez foutu le show, on peut le dire. Écoute, on est parlé à Thierry Beccaro, il était comme un ouf à Titi. J'ai dirigé Thierry Beccaro, moi également aussi. Parce qu'il joue dans MacWalter 3 que j'ai réalisé. C'est incroyable. Oui, il avait tellement une vie géniale. Je me rends compte en fait que ma vie c'est de la merde. Ouais, parce que bon, tout est B2O et autres là, à côté de Thierry Beccaro. Excuse-moi, mon gars. Et on connaît Mitterrand et Chirac. C'est gros respect. Avoir dirigé Thierry Beccaro, avoir fait Motus. Mais il était qu'il est très bon délire en plus, Beccaro. Enfin, bien sûr qu'il est très bon délire, évidemment. Parce qu'il nous faisait des phrases qu'il ne comprenait pas Et vraiment, il était à fond, quoi. Tu vois, il avait confiance, quoi. Ouais, vraiment, il faisait très, très confiance. Ouais. Voilà, bah, écoutez... Mais c'est un acteur à la base, Thierry Beccaro. Mais oui, c'est Daniel Day-Lewis. Non, mais c'est un... il est acteur, il est acteur à la base, il est acteur de théâtre, Thierry Comme Beccaro. Patrice Lafont, oui, il fait du théâtre. Ah ouais, Patrice, Patrice Lafont, qu'on voit dans un film avec De Funès, je sais pas si c'est pas un, le gendarme, un gendarme à Saint-Tropez. Ah ouais. Et il était jeune, et voilà. Ah d'accord. L'histoire s'arrête là, mais il a été acteur. Et dans les fun facts. Tu comprends pas avec Axel Lafont? Non, Axel Lafont, bref, je m'arrête. En antenne, en antenne. Et dans les fun facts, Jean-Pierre Castaldi a joué dans un James Bond, dans Moonraker. Bien sûr. Ah, ah, oui, meilleur d'ailleurs. La meilleure photo, il a une petite moustache, mais je ne vous dis que ça. Tu comprends pas avec Benjamin Castaldi? Vraiment, les gens ne confondent pas. Il y a une vraie tradition des Français dans les James Bond. Il y a beaucoup de comédiens français. Mathieu Amalric, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Ouais. Et ouais. Sophie Marceau aussi également. Ouais. Les deux. Ouais. Les bah, Mélanie Laurent. Le même. Ouais. Mélanie Laurent. Les, ouais, c'est, non, c'est Léa Seydoux. Non, c'était Léa Seydoux. Et dans deux, les deux. Aurélien Prévost. J'ai pas fait James Bond Girl. Carole Bouquet. Carole Bouquet. Mehdi, penses-tu réécrire un livre à l'avenir? Car j'avais adoré ton premier livre rap français, une exploration en sans album. Il s'est pas trompé sur le titre, donc c'est très fort. Pas mal, tu vois. Que c'est sans elle, album et pas sans album. Après, ça, c'est peut-être moi, il a fait. Elle, c'est lui qui a fait l'heure, c'est pas toi. Non, si, a... c'est Bécherel ta mère ou quoi? Non, c'est pas prévu. Ma voilà. Mère désolé pour cette réponse. J'ai la ref. Triste, mais non, c'est pas, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie en fait. T'as pas bossé sur le bouquin ABCDR du son? Non, pas du tout. En fait, ça devait se faire et faute de temps aussi, j'ai vraiment pas pu. Donc non, c'est pas prévu là de repartir sur un livre. Très bien. Voilà. Et ben écoutez, on va passer à la dernière partie de l'émission très rapide. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles? C'est vrai que j'oublie de plus en plus de demander aux invités avant. En fait, si vous avez kiffé un truc culturellement parlant, que ce soit dans le cinéma, la télévision, la série, théâtre, jeux vidéo, tout. Jeux vidéo, tout. En fait, tout. À partir du moment où c'est un peu vaguement culturel. L'actu, on en a beaucoup parlé. Moi, ok, cool. Parce que moi je suis largué, hein, vraiment. Ah. Moi, j'ai des trucs. Donc voilà, si vous avez des trucs à proposer, Adrien, j'ai envie que tu commences. Écoute, j'ai deux trucs. Régale-moi. Le premier, voilà. Un podcast c'est... en anglais. Exactement. Et une série Netflix. Non, c'est un jeu vidéo, mais bon, c'est pas très obscur. C'est FIFA 20 qui est sorti récemment. Je l'ai acheté dimanche. Eh bah écoute, t'y as joué un peu? Ouais. T'as essayé les modes futsal et non, street pour et pour l'instant, tout j'ai juste fait la saison bête et méchante en ligne. Mais parce que moi, j'ai fait que ça, moi. J'ai même pas encore testé le mode c'est normal. Bien. Ouais, bah ouais, franchement. Okay. Mais parce que t'es un mec street, on peut le dire. C'est de là d'où je viens, j'essaye un peu de me réadapter, voilà, j'essaie de passer mais... Pas oublier d'où tu viens quoi. Voilà, non mais ouais, il y a des nouveaux modes de jeu, futsal et street soccer. Tu soccer. Peux jouer avec Zizou. Enfin, je boucle, mais... C'est vrai? Ouais, dans les trucs Ultimate et tout là. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, dans le FUT. Ouais. Et, c'est une vraie question, c'est pas juste un running gag, je suis pas l'actu et tout, mais c'est qui le mec sur la pochette? Ah putain, je m'arrête sur la jaquette. C'est même pas c'est quoi la pochette. Je ah bah super les gars. Mais comme vous êtes en démat. Attends, bah ouais, c'est ça. Ouais. Non mais c'est vrai en plus. Donc il y a plus le. Il y a un mec sur le truc que j'ai fait. Mais c'est qui? Elle est en démat. C'est pas Eden Hazard sur la. Je sais même. Attends, on verra peut-être. Non mais donc il y a. Dites-nous sur internet. Oui, c'est Eden Hazard. Ouais. Ah ok. Bon bah je sais qui c'est. Eden Hazard. Mais il y a une édition avec Zidane aussi. Donc je suppose que lui tu connais. Ok. Année 90, j'ai suivi l'actu. Et donc ouais, c'est vachement bien. Et il y a notamment un mode 3-3 en 3 contre 3 en street où c'est les petits buts où il n'y a pas de gardien. Et j'ai hâte de trouver 5 personnes et de faire un 3 contre 3 avec des potes. Ça doit être vraiment marrant quoi. Écoute, donc voilà, cool. Je le ferai avec plaisir. Avec ah bah allez, c'est noté. Et ouais, donc un FIFA 20 est cool. Et le deuxième truc que j'ai. Alors, c'est effectivement un podcast en anglais qui en aide à sa deuxième saison. Et en fait, j'en ai. Enfin, je pense que j'en avais déjà entendu parler, mais là, j'en ai réentendu parler. Et je l'ai essayé, j'ai tout écouté, c'est bien. Ça s'appelle Mogul. Et c'est un podcast fait du network Gimlet qui a fait aussi Heavyweight que j'avais déjà conseillé, Reply All et tout ça. C'est des très bons podcasts, un très bon network. Et voilà. Et en gros, ça parle du hip-hop. Et là, ça, en fait, la saison 1. Ça raconte un peu l'histoire du hip-hop à travers un personnage. De toute façon, personnage. Toi, tu sépares le rap et le hip-hop déjà, on peut le dire. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais donc ça retrace la vie de Chris Lighty, qui était un manager de plein de gros noms du rap. Et donc ça retrace sa vie et sa mort, parce que bon, ils disent dès le début comment il est mort et tout. Enfin, oui, ils le disent dès le début. Et donc c'est vachement intéressant. Et la saison 2, ça parle de Luke Campbell et de Two Live Crew. donc qui était un groupe de rap de Miami, ouais. et qui ont eu plein de soucis avec la justice, etc. Parce que leur groupe, en fait, un de leurs albums a été jugé comme au tribunal comme obscène légalement. Et donc du coup interdit dans je sais plus quelle région, etc. Donc c'est vachement intéressant parce qu'en fait il y a des trucs qu'on retrouve dans des qu'on a déjà vu dans des documentaires genre Hip Hop Evolution. Il y a tout un truc sur Miami en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a des trucs qu'on retrouve évidemment parce que ça parle de l'histoire du rap et tout, mais c'est vachement cool en fait en format podcast, c'est trop bien quoi, parce que puis il y a plein d'interviews de gens, il y a des bonus avec les interviews qui vous pouvez pas caler dans l'histoire et tout. Donc c'est vachement bien. Là, c'en est à la saison 2. Et donc la saison 2 est en cours, donc là j'ai tout écouté et maintenant il va falloir que j'attende la semaine prochaine. Mais c'est tous les vendredis un nouvel épisode et c'est vraiment cool. Voilà. J'en mets. Sylvain ? Oui. Je sais pas si ça a déjà été dit dans le podcast et ça date un petit peu, enfin ça fait quelques mois que c'est sorti sur Netflix, la série The Naked Director. J'ai jamais entendu parler. Donc. C'est vrai ? Si, moi, ouais. J'ai vu, mais j'ai pas regardé. Mais je bande en tout j'ai cas. J'ai vu la bande. Écoute, ça tombe bien. Ça t'a pas donné envie de regarder ? Si, mais il y a 8000 trucs. Quoi. Attends, mais tu suis l'actu en fait. La pop culture, c'est autre chose. C'est l'histoire d'un. C'est l'histoire vraie, bon, romancée quand même, mais d'un mec qui s'appelle Toru Muranishi, qui est devenu baron du porno japonais, je crois que c'est dans les années 80, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'est le mec qui était vendeur de livres au porte-à-porte au début, et il s'est retrouvé petit à petit à produire du porno de moins en moins censuré, et ça a fait bouger complètement la ligne du porno au Japon. Donc c'est une production Netflix japonaise, c'est 8 épisodes d'une heure. Il y a une vraie patte japonaise dans la réal et c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, du coup. Enfin, je trouve en tout cas, moi, à titre perso. Et c'est super bien. C'est une patte la réal, du coup. Écoutez, voilà. Mais bravo. Et non, je vous conseille vivement. Je fais ma propagande pour cette série. C'est genre vraiment cool. Non, mais ça a l'air cool. L'histoire est folle. C'est frais. C'est agréable. Et quand tu dis de moins en moins censuré, c'est par rapport aux mosaïques sur. Ouais, c'est ça en fait. C'est que j'ai entendu parler. Enfin. Oui. J'ai vu évidemment. Le porno. Ouais. Non, par exemple, en fait, au début, ils faisaient beaucoup de magazines. J'ai oublié le nom des magazines. Mais en gros, Méga Branle Mag. Je crois que c'était. Non, c'était pas celui-là. Ah pardon. tu confonds. Mais en gros, ouais, à la base, ils avaient genre les films devaient être simulés de A à Z. C'est genre déjà tu attends, fais rien voir comme tu fais rien voir mais il n'y avait pas pénétré il y avait pas de pénétration dans les pornos ce qui limite un peu c'est compliqué du coup oui bah c'est ça arrangeait le fait qu'il y a un film sur le foot il faut interdit de taper dans le ballon pas de ballon et non mais ouais du coup t'avais vraiment une grosse mosaïque à l'époque et lui il a fait de genre moins en moins de mosaïque et puis voilà quoi et après et là après on est plus de mosaïque et là c'est parti exactement donc non c'est très intéressant c'est un peu kitsch. Mais ça se passe quand ça ? Je crois que c'est dans les années 80, si je dis pas de. Parce que même encore maintenant, oui, c'est pas fini, du porno japonais pas censuré, c'est pas si simple à trouver. Mais c'est ce qu'on t'a dit, ouais. Enfin, j'imagine. J'ai lu des. J'ai écouté un podcast qui parle de ça, mais en anglais. Ouais, voilà. Et ouais, non. Donc c'est pas complètement fini, mais il a fait bien bouger les trucs et il a construit un empire pas croyable. Et surtout Japon. Qu'en fait, c'est un mec qui est quand même assez bizarre. C'est genre. The Naked Director, c'est parce que effectivement il a trois en yeux. Slip. Ah oui, d'accord. Non. D'accord. Il shoot en slip et en général c'est lui qui baise. Voilà. Ah. Oui, c'est vrai qu'il est avec sa caméra et puis voilà quoi, il a l'angle optique. C'est du POV quoi. Oui. Il pourrait faire plus envie si ça s'appelait The Naked en slip qui baise Director. Je l'aurais regardé déjà. Mais c'est chiant pour le référencement. Et Dieu sait qu'il déteste l'actu pourtant. Il y sera allé. Mais non, je vous conseille. Moi, je vous conseille la vidéo des paillettes dans la. Non, ça d'ailleurs, j'aimerais le dire. Parce que plein de choses sont foutues de la gueule de cette meuf, Inès Reg, je crois. Reg, ouais. Parce qu'elle a déposé à l'INPI paillettes dans la vie. Mais pour une raison. Mais en fait, c'était comme avec Nabila quand il disait ah bah super l'autre. Elle dépose au nom mais allô le shampoing. Et en fait, c'est juste parce que des gens font du business en fait avec ces punchlines qui en vrai n'auraient pas lieu d'exister sans ces personnes. Oui. Donc c'est normal qu'elle dépose en fait. Non, mais en plus, je pense que c'est toi qui fais de la thune sur des t-shirts avec la réplique en plus. Mais, oui, c'est ça. C'est juste tu te protèges en fait. Non seulement parce ça, mais Sylvain, en plus c'est de l'enquête, donc c'est son truc normalement. Non, mais non seulement ça, mais en plus elle a dit je l'ai déposé parce que je veux pas de ouais. faire de business dessus. Que personne n'en elle fasse. Elle a dit, là, les gens se font de la thune dessus. Moi, c'est pas l'idée du tout. Donc, je le dépose. Et elle a dit, elle, j'en ferai rien, quoi. Je veux juste que ce soit, ça reste que c'était. C'était une blague qui faisait rire les gens et tout. Ouais. Donc, elle va pas faire de thune. C'est pour empêcher que les gens. Parce que j'ai vu les tweetos s'exciter. Mais et parce que les tweetos, comme d'habitude, n'ont lu que le titre de l'article, qui était Inès Reg dépose cette marque à l'NPI. Ouais. Oui. Et à la base, là, tu regardes la ligne en tout, c'est parce qu'elle veut pas qu'on fasse du pognon dessus. Ouais. Sauf que les gens ont fait allez, c'est parti pour des trous. C'est, des aussi, de la faute des, c'est aussi de la faute des mecs qui font le titre. Quoi. Parce que souvent, t'as envie de dire vous pourriez mettre l'info dedans. Non, ouais, et en plus, en vrai, même si elle voulait faire minutes, du fric. Si nous écoute. Même si elle le faisait pour faire du fric. Ouais, voilà, quand ouais, bien même. Encore une fois, ça n'aurait pas lieu d'exister si elle avait pas dit cette phrase. C'est sa création, enfin, je veux dire. Personne dit ça avant. Ouais. Alors que si elle avait parlé d'un petit jeu mobile dans sa vidéo. Voilà, donc ça, je voulais la placer. La recommandation que je vous fais, et donc normalement ça sort dans 2 jours quand vous écoutez ce podcast, c'est le film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Alors on va pas spoiler, on va rien dire. Je sais que Sylvain l'a vu. Je l'ai pas vu encore. Non, non, non. Ne pas de spoil. Si tous les gens qui ont été invités à le voir gratuitement, on vous dit que c'est un chef d'œuvre. C'est un peu épatant. Ouais. Après, c'est vrai que c'était super bien gratuit. Non, ouais. Alors, non, il y a la deux gratuité choses. Gratuité, il y a incroyable. Deux choses. Il y a deux choses. Non, il y a deux choses. D'une, c'est vraiment très très bien. Je pense. C'est vraiment un très bon film. Et sachez que les gens ne se forcent jamais à dire c'est vachement bien quand le film est à chier. Jamais. Alors moi j'ai oui, sinon tu fais une vanne à la place. Ouais, quoi. Moi j'ai eu un moment un peu nul là récemment, j'ai été invité à voir Jimmy. Non, tu couperas. Ça sera censuré. Non, là c'est vraiment pour que tu le coupes. Ah, quel connard. Attends, je te mets le timecode. Oh là, quel con. Je l'ai même. Bah oui, évidemment, je sais. Non, parce qu'en fait, il y a moi par exemple, j'ai été invité à aller voir un film, je ne dirai pas le titre. Et c'est vraiment pas bien. Ah. Et du coup, il y a la personne qui m'invite souvent à des avant-premières. C'est non. Ouais, exactement. Ouais. La personne qui m'invite souvent aux avant-premières, qui à la sortie du film fait alors. Et donc, il y a toujours une petite caméra, des appareils photo pour prendre direction. Et vraiment, je lui ai fait un espèce de petit geste de oh, elle a fait d'accord. Elle était vraiment un peu agacée. Elle a fait d'accord. Oui, voilà. Donc, mais attends, quand même, c'est que pas très bien. Non, bon, arrête de dire le truc. C'était même pas une vanne. Je l'ai juste déçu. Non, mais donc du coup, voilà, les gens se forcent pas à dire si c'est bien ou c'est pas bien. Et bah, Joker, toi non, mais. Et en plus, j'ai même pas. Totalement plus, qui se forcent à le dire. Et en plus, moi, j'ai pas fait de story en tout à la sortie du truc et tout. Donc, non, tu vois, c'est dire. Par contre, on est d'accord que les gens se forcent. Évidemment que tout le monde le fait. Mais je me demande si les gens se forcent vraiment. Bien sûr. Tu crois? Eh ben, je suis naïf sur la société, mon pote. Bon, bref, en tout cas, Joker, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était un super film. C'est un film. Pas facile et vraiment alors j'espère qu'il interdit au moins 12 ans parce que c'est assez violent. Okay. Enfin c'est pas violent mais mentalement violent. Malsain, ouais, mais côté genre, pas malsain mais ça touche à des dérangeant. Trucs dérangeants, un peu durs, ouais. Machin. Suicide notamment. Je l'ai pas vu. Hein. Non mais après il y a une espèce de tout un. Enfin là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats autour du film et tout, de machin. Moi j'avoue je comprends pas trop parce que tu vois, ils disent oui on essaye de te rendre empathique d'un personnage problématique. Tu fais oui bah il y a plein de films mais qui font ça. Je te dis, on peut plus rien dire. Bah, c'est bien ce qu'a dit Todd Phillips. En l'occurrence, c'est ce que le réal a dit et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est un bon réal en plus, Todd Phillips. Et en plus, il dit des trucs qui sont plutôt faux parce que tu peux encore faire plein de choses. La preuve, il a fait ce film qui est quand même un ovni quand tu regardes le côté. Ils ont des droits de films de super-héros et ils font un truc pareil quoi. Et non, c'est un ça film. Marche. Et c'est un film très fort, c'est un film très beau et. Et évidemment, tout le monde va vous parler de Joaquin Phoenix et tout, et évidemment, c'est chambé, mais moi j'ai trouvé ça vraiment réussi de bout en bout. J'ai un peu pleuré, enfin, ça m'a déclenché vraiment des émotions. La fille, la fille. Non, mais ça m'a vraiment déclenché des trucs que je pensais pas en fait. Et en plus, moi je suis vraiment le king de quand tu me dis que c'est vachement bien, je fais eh ben je vais détester. Ouais. Et souvent je déteste. Relou, ça. Et du coup, là vraiment, moi j'ai trouvé ça chouette. Donc vous me direz, on en parlera je pense plus en détail en spoilant comme des ouf dans 2 semaines parce qu'on fait. Ouais, bah on reviendra, c'est cool. Ouais. Pas de soucis. Non, en gros, des fois on fait des floodcasts de Geekos sans Adrien. C'est des floodcasts où on parle de trucs de super-héros, machin. Exactement. Et donc là, on va en faire un sur Batman. Sur tous les Batman et on finira sur Joker, donc on pourra tu vas débattre. Réinviter Joe Hume, on connaît exactement, hein. Exactement. Donc on pourra en débattre plus profondément à ce moment-là. Voilà. Aurélien. Moi, je me disais. Les garçons. Bah non, mais tout le monde connaît. Je vais pas conseiller un truc que tout le monde regarde déjà. Les jeux, les garçons, tout le monde regarde à fond. Un petit jeu vidéo sur mobile peut-être. Non, mais vous en avez déjà. Vous avez parlé de Barry ou pas? Oui. Un peu, mais vas-y, je t'en supplie. Mais ouais, t'as raison. Red Shadow Legend. Les graphismes, vous avez vu les graphismes? Ils sont ouf. On n'est pas sur mobile ou PC. Hein. Ah si, merde, on est sur mobile. Ça y est, j'ai oublié mon texte déjà. Le loot. Non, vous avez parlé de Barry ou pas? Ouais. Oui, un peu, mais vas-y. Ok. Barry. Moi, je dirais non, mais. Non, tu diras non, on regarde pas, ou tu diras non, on en a pas parlé. On parle pas, on l'a déjà fait. pour ceux qui voient pas ce que c'est une série qui est sur OCS, c'est une série HBO. HBO, c'est une valeur relativement sûre, petit tips comme ça que je vous donne en termes de série télé ou quoi que ce soit. C'est Bill Hader. Bill Hader, c'est un mec très marrant du SNL. C'est un mec que vous connaissez peut-être parce que dans Super Grave, si je dis le titre français, ouais. Super Bad, c'est le mec avec qui... l'horrible titre On veut du cul. Voilà. C'est un des deux flics. Il y a Seth Rogen et lui. Ouais, et lui, c'est celui qui est à fond sur McLovin et qui fait McLovin à tout va et tout, ouais. Qui est extraordinaire. Donc voilà, Bill Hader qu'on a vu dans plein de trucs. Qui est le coq bloc. C'est exactement. Il est dans Hit 2 aussi. Enfin, ça 2. Ah oui, là, bah ouais, il joue. Il commence à être dans plus en plus Stranger, de trucs. Stranger Things, mais adulte. En vieux, ouais, c'est ça. Il est de plus en plus de, dans de, plus en plus de trucs. Et Barry, c'est une série qu'il fait avec. Putain, je vais. Alec Berg, ouais, c'est ça. Exactement. Qui est un scénariste de Seinfeld qui bosse beaucoup avec Larry David et tout. Donc j'ai fait Silicon Valley aussi. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant dans cette série, en fait, c'est que je vais essayer de le. J'ai trouvé un petit truc qui peut, comme ça, pour que les gens se projettent. C'est un peu. C'est du format une demi-heure qui est censé être de la comédie, mais c'est un peu un Breaking Bad à l'envers. Dans le sens où Breaking Bad, tu vois un mec lambda qui devient un génie du mal. Et là, tu commences par un génie du mal, c'est-à-dire un mec qui a fait la guerre en Irak et qui a plus envie de vivre et tout, et qui est juste un tueur à gages, qui a la solde d'un vieux qui le paye pour faire des missions, tout ça, mais il est pas heureux. Et il se retrouve à devoir buter un mec qui s'avère faire de la comédie. Et par hasard, alors qu'il doit le buter, le mec lui dit « Ah, j'ai pas mon partenaire de scène, vous pouvez s'il vous plaît de me donner la réplique ?» Et il monte sur scène avec le gars, il lui donne la réplique, et il kiffe ce truc-là. Et du coup, il décide de devenir comédien. Alors, il est pas bon, mais c'est ce qu'il décide de faire. Il trouve un nouveau truc dans sa vie. Et d'un côté, il est fan de son prof de théâtre, et de l'autre côté, qui est un vieux, en gros, je résume. Hein, qui est Fonzi, en vieux. Donc ouais, c'est qui joue Fonzi. C'est son nouveau mentor, on va dire. C'est sa figure paternelle. Et de l'autre côté, il y a l'autre vieux de la série qui est le mec qui lui dit « Mec, faut que tu tues encore plein de gars !» Sauf qu'il veut, il essaie de décrocher. Mais en voulant décrocher, ça le fout dans la merde. N'en dis pas trop, voilà. Non, mais je le regarderai pas plus. Et à la fin, il se tient une balle dans la bouche. Le contexte, c'est ça. C'est un mec qui veut arrêter d'être un... Ça, c'est la spécialité de Patrick Beau quand il te raconte un film. Non, je te spoil. Parce que lui, en plus, il dit « Moi, je te spoil pas, mais le mec fait ça, c'est incroyable. » Il parle et tu fais « Mais attends, t'es à la fin du film, là. » Il fait « Ah oui, c'est la fin du film. » On vient d'invoquer Patrick Beau. Là, j'ai rien dit qui ne se passe dans l'épisode 2. Là, je suis vraiment que dans l'épisode 1. Ta gueule. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que je trouve que c'est sens. Tu te dis « Ça va être une comédie. » Et ok, c'est marrant. Mais en même temps, non, t'as un vrai traitement et un vrai côté Breaking Bad aussi dans le truc, tu vois, un peu sérieux et tout. Et surtout, ils font pas en sorte que t'aies de l'empathie pour aucun des personnages. Ouais. Ils font pas en sorte que tu kiffes le gars, ni la meuf, ni le prof de théâtre. C'est tous des connards, mais en fait, c'est juste des gens normaux, tu vois. Et y a pas de truc et tout, machin. Et donc les gens normaux sont des connards pour rien prévu. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, on a tous des côtés égocentriques, ou égoïstes, etc. etc. À titre perso, je suis génial, mais bon, je veux pas. C'est un peu genre Friends. C'est exactement ça. Et t'as deux saisons de genre 8 épisodes sur 8 épisodes. 8 épisodes, et quel relou. Il est à cheval là-dessus. Sur ECS, il est vraiment cool. D'ailleurs. Oui, c'est très galère. Mitterrand est à cheval. Je la conseillerais pas à toute la terre en mode, vous allez forcément kiffer les auditeurs. Continue. Mais en tout cas, c'est vraiment original ce qu'ils ont essayé de faire. Et sur les deux saisons, c'est hyper balèze. Donc bravo Bill Hader qui a eu le prix. Je crois qu'il y a eu un Emmy en plus, je crois. Tous les comédiens de la série ont été nommés au Emmy Award. Donc si vous aimez bien les bons acteurs, regardez cette série. Tu l'as très bien pitché en tout cas, je tiens à te le dire. Adrien, arrête avec ton cheval. Mitterrand, arrête avec ton cheval. Un truc interminable. Oh François. Hey, rendez-vous au Bataclan, il y aura genre d'effet x 1000, hein. J'espère que vous êtes prêts. Mehdi. Ouais, deux trucs très rapidement, parce qu'il paraît de. Adrien parlait de podcast. Il y a un podcast aussi un peu sur le rap, mais pas que, qui est français. Même si c'est disponible en français et en anglais, pour ton plus grand plaisir. Ça s'appelle The Undersiders. Voilà, le titre. C'est fait par une boîte de prod français qui s'appelle Engel, E-N-G-L-E, et c'est très très bien. En fait, grosso modo, le pitch du truc, c'est comment des dealers de drogue ont pu, grosso modo, faciliter ou en tout cas déclencher parfois des carrières de grands rappeurs américains. Parce qu'ils ont à un moment financé des carrières, etc. Bref, et dans l'eau, il y a Jay-Z par exemple, enfin voilà, qu'on voit, bref, qui est une carrière évidemment incroyable. C'est vraiment génial, c'est super bien. C'est-à-dire que c'est en mode, t'as une voix off, c'est un storytelling, mais c'est extrêmement bien réalisé, c'est super bien monté, enfin vraiment, c'est génial. Et c'est français, donc. Il a combien de problèmes, Jay-Z, dans sa vie entre... 99, mais salope n'en est pas une. Ah non, ça fait partie, non. Complètement absent de ses problèmes. Parce que plein de gens se pensent, effectivement, ça n'en fait pas partie. Non, ça en fait partie, ok, d'accord. C'est une légende urbaine. Et là-dessus, je suis intraitable. D'accord, voilà, non, mais okay, j'avais besoin d'une précision. Non, mais voilà. Il connaît le nombre de problèmes de tous les rappeurs. Ouais, alors, Jay-Z, on connaît tous, ouais, mais ouais, il connaît tous les rappeurs. Jaja de Jaja Dinaz, on a 13 par exemple. Ah, ouais, beaucoup moins de problèmes. Bon, bah, ouais, mais hey, Momoni, mon problème. Hein. Ah, bah, exactement. Ah. Exactement. Est-ce que Jay-Z est plus riche que Jaja? C'est toi qui le dis. J'irai pas jusqu'à. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment chambé. Donc c'est un peu sur le rap, mais surtout en fait sur les coulisses. Et, donc ça monte jusque dans les années 80. Et puis récemment, en fait, parce qu'on vous parlait de. Alors, désolé, j'ai pas vu de films qui sont pas encore sortis. Mais comme tout le monde, j'ai vu le Tarantino. Ça va pas être ça mon coup de cœur, mais du coup. T'es pas obligé d'en dire du bien, du coup, c'est ça? Non, moi j'ai adoré. Hein, moi, j'ai adoré aussi, ça peut être un autre débat. Et si j'ai payé pour le voir celui-là. Ouais, ouais, moi aussi. Mais voilà. Ça doit changer. Mais du coup. Alors, ce qui est cool, c'est que moi j'avais rien lu sur le film. Donc en fait, j'ai découvert qu'il y avait l'histoire avec Manson, Sharon Tate, enfin, bref, etc. Histoire que je connaissais. Je pense que quand on connaît pas l'histoire, ce qui peut être le cas de certaines personnes en France, on perd vraiment un truc sur le film. C'est un peu dommage, ouais. Bref, c'est pas. Exactement. Il y a un documentaire chambé sur Arte qui est sorti, que je crois qu'il est disponible il y a 10 jours, qui s'appelle Charles Manson, le démon d'Hollywood. Et donc effectivement, quand on est en fait. T'as à la fois Mindhunter où tu vois Charles Manson, t'as le film de Tarantino et t'as ce documentaire là donc qui en fait qui montre comment Manson en fait il y a un film avec Balasco, pardon, ouais, c'est ma blague. France, un film avec Balasco qu'on parle aussi. C'est une réalité, elle joue Charles Manson. Pédale 12-2, voilà. 20 ans après. Pédale dure, ça s'appelle. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est Pédale 12-2. C'est, oui. C'est vrai. Et bref, et donc en fait, ils expliquent comment finalement, quelque part, toute la merde de Charles Manson et toutes ces conneries, c'est sûrement dû au fait que le mec était un artiste frustré. Ouais. Parce que le gars a vraiment fait de la musique. Il voulait faire de la musique. Exactement. Il a écrit une chanson qui est sur un album des Beach Boys. Des Beach Boys, absolument. Ouais. Moi, je le savais pas. Donc, ça, je l'ai découvert effectivement avec Surfing le documentaire. USA. Et en fait, tu vois vraiment qu'il a été en fait un moment en Californie et dans l'entourage, quelque part, donc, de plein de gens super importants de la musique de cette époque-là. Et que le mec avait vraiment de grandes ambitions. Et que, alors, c'est peut-être un raccourci un peu facile, mais que quelque part, en fait, la frustration artistique qu'il a eue a sûrement. Enfin, clairement même, en fait. Oui, oui. C'est le postulat du documentaire, clairement causé en fait toutes les. Tu le kiffes, bah, les conneries. Non, non, non, le documentaire est vraiment génial, ah, franchement. Bien, putain, et c'est un autre éclairage quelque part sur qui est le mec. Et vu qu'on en parle beaucoup actuellement avec le Tarantino et Mindhunter aussi. Il y a aussi une série qui s'appelle Aquarius sur Netflix en ce moment qui parle aussi de, okay, Manson. Ah, okay, d'accord. Qui est pas ouf. Il y a un milliard de programmes qui parlent de Manson. Enfin, ouais, même sur Netflix, il y en a genre un milliard. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, c'est rigolo. Enfin, il y a Luigi's Mansion aussi. Et Marilyn Manson qui pourquoi a réussi dans la musique. Ouais. Ouais, coup, parce que ce que tu dis, c'est non, il aurait tué des gens. Ouais. C'est intéressant tu parce qu'il découpait que... des vaches. C'est intéressant parce c'est que c'est comme Hitler, hein, qui a fait ouais, ça. Il était un peintre. On y a tous pensé. Voilà. Il y a pas que Aurélien qui a pensé. On y a tous pensé. Voilà. Moi, j'ai vu ce tableau, mais franchement, c'était de la merde. Il a bien fait de changer de. Pardon. Non, mais parce qu'il y a, y a ce truc justement dans le Tarantino qui parle que d'artistes frustrés tout le temps. Donc c'est oui, vrai que c'est la logique se suit complètement. Et il y a ce truc aussi qui est fascinant, c'est qu'en fait, pourquoi il a tué Sharon Tate, c'est juste une histoire d'adresse. Exactement. C'est qu'en fait, il voulait tuer un producteur qui était à cette maison. Tout à fait. Et le est-ce producteur. Parce qu'on le voit dans le film. Et dans le film, ouais. il vient traîner, on se dit qu'est-ce qu'il fait là. Et qu'il y a une vraie rencontre. Et ce qu'on comprend avec le documentaire, c'est que lui et Sharon Tate sont vraiment vus en fait. C'est ça. Et on lui dit, il a déménagé. Et lui, comme un symbole, il a dit, je tuerai les gens qui ont déménagé. Donc comme quoi, faites gaffe à qui était sur le bail. Les amis. Ne déménagez pas surtout. Ouais. La deuxième partie de l'émission. Non, c'est bon, c'est terminé. Un rapide tour de table pour voir un peu l'actu de chacun. Donc Mehdi. Bah moi en fait je vais pas te mentir, là je suis un peu je vais être un peu à la cool pendant quelques temps. Donc grosso modo là sur les prochains mois il y a rap jeu. Voilà, c'est le grosse actualité, je continue au fun jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et après 2020 je pars sûrement sur de nouveaux trucs. Mais voilà, donc là globalement c'est on peut pas en dire plus en tout cas. Voilà, exactement. Rap jeu sur YouTube. Tout à fait. Sylvain, c'est le cas. Bah j'enquête, tu sais. Mais d'autres enquêtes de prévues ou pas du tout oui, oui, oui, non, ça avance. Mais ça c'est avance. Toi qui as trouvé Manson d'ailleurs. Humblement, j'aime pas le rappeler. C'est quoi son mail déjà? Ouais, déjà charlesmanson@hotmail.fr. Vraie anecdote, j'en profite. Lorsque j'avais proposé à Yann Moix à l'époque de jouer dans Eglantine de Natou. Là, vous êtes cancel tous les deux. Quand j'avais proposé à Yann Moix, qu'on avait écrit une scène où en gros, Eglantine, donc l'avatar youtubeuse de Natou. Est-ce que tu vas donner son mail? Non, je vais pas donner son mail, mais c'est ce qu'elle expliquait. C'est qu'en gros, on voulait qu'il y ait Léa Salamé et Yann Moix parce que dans la vraie vie, ils avaient un peu humilié Natou à On n'est pas couché. Donc, dans la version parodique, on voulait les faire venir et genre, ils étaient méga fans. Petite blague. Okay. Et Yann Moix a aussi une boîte mail, en tout cas à l'époque, Hotmail avec un numéro, yann.moix@hotmail.fr. Je vais tous les essayer. Ce que t'as avec la massage, avec la main fâchée. Et il nous avait répondu par mail, gentiment. Donc, j'avais fait un long mail expliquant voilà, on veut rire de ce bad buzz, justement, en jouer, machin. Il m'avait répondu non. point. Pas de majuscule au N de nom ouais, du début. Ouais. Ce qui est vraiment un nom clair et net, simple, sans la moindre fioriture. Je vais te permettre une anecdote là-dessus. Je t'en supplie. J'avais moi. Non, mais c'est que mon actu, c'est pas grave. Mais ton actu nous inspire, Sylvain. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça m'avait surpris, enfin choqué et fasciné en même temps. J'avais fait un documentaire pour C'est Star sur l'histoire du clip. Bref, et comme dans tous les documentaires, eh ben, il me fallait Philippe Manœuvre. Tu vois, genre, c'est pas très original. Ok, j'accepte. Et donc, je le contacte. Et il m'avait répondu ce truc-là. Il m'avait dit, écoutez, il m'a dit, mais dis enfin, il n'y a pas un documentaire en France qui ne se fasse pas sans ma présence. Maintenant, j'accepte uniquement si c'est rémunéré. Pouvez-vous me payer? Et j'avais trouvé ça, genre, quel boss. Évidemment, le budget était limité, donc on a fait avec Olivier Cachin. Et big up Olivier, que j'aime beaucoup, mais voilà. Mais du coup, on a, mais je me suis dit, tiens, c'est génial, en fait, de un moment où tu fais payer le moindre de tes apparitions. En fait. Et voilà, donc Philippe Manœuvre fait payer, si vous vraiment faites un documentaire sur la musique, ça se paye. Oui. Ah, j'allais dire, pas d'imitation. Il est pas mort, les mecs. Donc ouais, Sylvain, donc nouvelle enquête. Ouais, j'enquête. Et sur Twitch. Oui, sur Twitch, venez voir, on fait de la merde. Tu t'appelles Sylvain aussi sur Twitch? Ouais, partout, j'essaie de... Donc de à la place du A, vous mettez un Q et vous le trouvez. Exact. Ouais. C'est mon attaché presse. Et c'est pas QU, hein, c'est QI. Exact. Non, mais faut le dire. Ouais. Non, voilà. Mais voilà, vidéo, YouTube, de temps en temps. Aurel Prève? Bah, Aurel Prève, Aurélien Prévost. Oui, pardon. Si on le dit en entier, ça, c'est plus facile à trouver mon identité sur les réseaux. Bah, non, bah, moi, YouTube, venez sur YouTube, hein. Là, des bails en cours, mais qui seront dans longtemps. Donc pour l'instant, si c'est pas sur YouTube. Mais la dernière vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça que Sylvain a pas vu. Bah bravo. Qui s'appelle. J'ai vu celle d'avant. Ouais, qui est sorti en juillet, quoi. Qui est très drôle, Aurélien. Putain, t'as pas vu le bonus. Mais non, j'ai pas vu. Je te serre la main. C'est bon. Calmez-vous. Non, bah donc tu as vu. Je suis arrêté à la vidéo du GPS. T'as vraiment tout spécu chez toi. Non, tu sais, vous êtes là, vous tournez à droite. Ah, ok. La vidéo sans GPS, justement. Sans GPS, pardon. C'est pas si vieux. Bah, c'était l'avant-dernière, donc tu vois, ça va. Ah, bah ça va. Effectivement, donc là, t'es bien. Donc là, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Je ne dors pas pendant 10 jours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je veux que c'est pas. Freddy l'a posté. Exactement, il a dit que j'étais un génie. Comment on aurait pu blaguer sur Red Shadow Legends toute la soirée. C'est vrai. Et j'ai sorti juste un petit bêtisier en fait de la fin. Qui est un bêtisier, mais qui est aussi qui montre toutes les impros. Je ne peux pas te spoiler, voilà. C'est un bêtisier plus extended scene. C'est ça qu'on dit en américain. Je sais pas si on met autant de cheux, mais oui. En tout cas, de toutes les scènes avec Simon Astier, parce qu'on a beaucoup rigolé avec Simon, qui tu le lances dans des trucs, il part très très loin. Il adore. Quel bonheur ce Simon. Donc c'est juste un 5 minutes de mi-bêtisier, mi-version longue des vannes. Simon qui, quand il était venu, avait recommandé Barry. Donc tu vois, comme quoi les étoiles se rencontrent. Ah bah tiens, bah tu vois. Au final. Il avait pas recommandé Kaamelott ou Non. Bah des trucs qu'il a fait, non, et plutôt, plutôt d'autres choses. Moi j'ai hésité à recommander ma chaîne, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas ouf. Mais comme je connais pas l'actu, moi. Non, c'est assez puant, c'est assez puant. Et donc Adrien, toi tu es en tournage. Toujours en tournage, on dit pas de quoi. Jusqu'à fin mi-novembre, disons, d'une série. La saison 2 d'une série dans laquelle j'ai un des rôles principaux. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais la presse locale, non, on n'a pas le droit de. Vous pouvez très facilement trouver des articles. J'ai toujours trouvé assez régulièrement. Voilà, voilà. Bah alors on peut le dire, non? Non, on peut pas. Légalement, j'ai pas le droit de dire que. Nous on peut le. Mais putain, si seulement nous on pouvait le dire, tant pis, c'est pas grave. En vrai, vous pouvez le dire, moi j'ai pas le droit. Non, mais personne peut le dire. Allez, on avance. Je n'ai pas le droit de le dire, mais vous avez le droit. Titi et Gouminet. C'est ça. Oh, les enquêteurs comme Sylvain. J'ai hâte qu'ils écoutent l'émission. Mais aussi le 21 octobre, on se retrouve au Bataclan pour Floodcast. C'est voilà. Plus ton actu, ça. Bah, c'est notre actu. Non, c'est notre actu c'est avec un Adrien. Invité ou c'est un co-animateur. En fait, je participe, tu sais, le truc, je suis là. Floodcast au Bataclan. Alors, des gens me demandent des informations supplémentaires. Genre, mais qui seront les invités? On ne sait pas, voyons. Si, on le sait un peu. Ah on, commence... Non, on commence à savoir. Moi, je sais pas, mais. Il y a un drive où tu es invité. Ouais. C'est fou quand c'est même. Embrouillé. Non, mais. En vrai, ça avance. C'est dans 2 semaines, hein, Adrien. On y J'ai rien, je ne prépare rien, moi. Le talent. Moi, je serai assis dans le public. Tout ça dans le public? Ouais. Ok, bah, si vous les invitez, vous me dites, je vous enfilerai. Je vous dis, je parle évidemment aux gens autour de la table et pas du tout. Aux gens oui, qui parce que des gens, les gens demandent. Des gens me demandent en MP. Bien sûr que non, je peux pas vous avoir des places. Je vous connais pas. En fait, l'idée c'est qu'on on les a vendus à un certain prix afin de les vendre en fait. Et plutôt, si on voulait les donner, on les aurait donnés. Non, je pense qu'ils veulent qu'on leur vende des places, mais enfin, c'est. On a tout vendu, c'était nous sur un site. Je ne suis pas à la Fnac. Non, et puis, on a tout vendu, bravo. On a tout vendu en 20 minutes, on était contents. Voilà. 20 minutes, c'est vrai. 20 minutes, on n'aime pas le rappeler, mais je le rappelle à chaque fois. Ok, voilà. Bon, en tout cas, et moi, Pitch.